Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'enfant. C'est l'innocence. Mais l'enfant, on l'oblige à venir à l'école. Et puis, on lui dit, tu es obligé d'apprendre ça, sinon tu vas échouer dans ta vie. Il y a une progression dans la vie, et chacun a son rythme. Ne l'encadre pas, suis-le. Peut-être il sera meilleur que toi. Donc ne lui dis pas ce qu'il doit faire. Réussir sa vie, ça n'existe pas. C'est utopique. C'est juste un mot qui a été créé pour maintenir les gens à courir derrière quelque chose qui n'existe pas. En fonction du moment de la journée que vous choisissez pour écouter cet épisode ou en fonction de là où vous vous situez sur notre très chère planète, bonjour à toutes, bon après-midi à tous, bonsoir à toutes et à tous. Ces salutations devraient convenir à toutes les oreilles. Cette fois-ci, je pars à la rencontre d'Hakim. Une fois de plus, je ne le présenterai pas, je peux néanmoins vous situer le point de départ. Celui-ci est au Maghreb, en Algérie. Puis nous emmènera tranquillement vers la France et le Canada. Entre-temps, nous parlerons d'expatriation, de quelques difficultés, d'adaptation également, d'un parcours universitaire, mais surtout d'un parcours de vie qui lui permet dorénavant d'avoir plusieurs casquettes d'entraîneur, d'auto-entrepreneur pour une académie de football, mais également enseignant. Différentes casquettes qui lui permettent de faire des liens, comment être un bon pédagogue, comment transmettre un savoir. Tout cela en ayant énormément de plaisir dans l'intérêt principalement de l'enfant. Un régal pour moi, j'espère que ça pourra l'être pour vous. Je vous souhaite une excellente écoute. Ah bah vas-y, on y va. D'accord. Il ne faut pas dire on y va direct, sinon ça met... C'est comme si on fait la compétition, une course. Ah non, mais Hakim, moi j'enregistre déjà, ça a commencé pour moi. Ok, vas-y, c'est bon alors. C'est tranquille. Non, je fais juste mes petites questions de début de conversation. T'as combien de temps devant toi là, Hakim? Oh ben, c'est à toi de voir. J'ai le temps. D'accord, ok. Bon, ça c'est bon à prendre. Je sais qu'en période de coronavirus, on a tous un peu de temps. J'étais sûr que cette semaine, c'est pas le cas. C'était pas le cas. Ouais, t'étais dans le feu, c'est ça? Les deux premières semaines, j'avais tellement de temps. Et puis, on dirait que c'est les vacances et tout. Mais là, cette semaine, on a commencé à travailler vraiment sérieusement. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le sens où chaque semaine, on a une rencontre avec la direction par vidéoconférence, déjà. Après... Ils nous ont demandé à ce qu'on appelle les parents ou leur écrire au moins une fois par semaine. Mais moi, je les ai appelés, c'est mieux. C'est plus personnel, c'est personnalisé plutôt. C'est plus humain que d'écrire juste un message et puis ça reste là. Et puis je voulais avoir des nouvelles des élèves aussi, des petits. De temps en temps, on s'appelle entre profs pour voir est-ce qu'il y a des choses à préparer et tout. Écoute, c'est comme à l'école, c'est comme quand on travaillait. D'accord, mettre de l'humanité. Ah ouais, ah bah oui, écoute. Mais là, vous allez commencer les cours à distance ou non? C'est juste que vous préparez un programme ou vous envisagez une rentrée déjà ou... Je pense que ça va aller dans ce sens-là à partir de la semaine prochaine. C'est-à-dire? Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on va préparer des choses et les envoyer aux parents pour que les enfants travaillent. D'accord. Parce qu'il y a quand même des parents avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai parlé. Ils m'ont demandé est-ce que tu as des choses à nous donner, des outils de travail, des cours. Pour le moment, c'est la commission scolaire qui s'occupe de ça. Mais je pense que la semaine prochaine, on va commencer à le faire, je pense. D'accord, ok. Et là, ça allait dans ce sens. Enfin, les meetings que vous avez eus, c'était dans ce sens-là. Oui, et puis nous mettre au courant comme quoi quelques quelques changements, je sais pas, de l'information, le suivi d'information. Par exemple, au début, ils nous ont dit que ça va jusqu'au 4 mai. Il s'est maintenu, mais apparemment, d'après le discours du directeur, ça va pas aller jusqu'au 4 mai, peut-être même jusqu'à la fin de l'année. Hein. C'est fini, l'école, hein, c'est fini. Autre question avant de démarrer aussi, c'est Hakim, si jamais tu veux faire une pause et tout, il n'y a pas de problème, hein, je pourrais faire une coupure au montage, si à un moment donné tu veux qu'on fasse une pause ou tu veux manger un truc ou boire un truc, il n'y a aucun problème. Et autre chose, est-ce que ton ordinateur il est branché, il y a de la batterie, ça il n'y a pas de problème? C'est tout proche, moi. Écoute, tu me parles de manger, j'ai déjà mangé, tu me parles de boire, j'ai déjà bu, tu me parles de l'ordinateur branché, il est à 2 cm, c'est déjà à 100%, il est déjà à 100%, la batterie, mon ordinateur, elle est déjà à 100%, et puis s'il y a quoi que ce soit, elle est juste à 2 cm de D'accord. moi, donc okay. Là, je reste ici, là, collé, vissé. Okay. Okay. Ma place. Bah, je demande par précaution, hein, juste pour être sûr que tout va bien, pour éviter les effets de surprise. Ouais. Demande-moi, est-ce que la famille elle va bien? Mais c'est important. Est-ce que la famille elle va bien, Hakim? Non, c'est vrai en plus. Ça, c'est important. Oui, elle va très très bien. Mettons de l'humanité dans cette démarche, exactement. T'as complètement raison. Non, c'est vrai, ça va. Ouais, tout va bien. Oui, ça va très bien. Et toi, d'ailleurs, là, on rigole, mais finalement, c'est sérieux. Ouais, non. Ça va, la famille en France et tout, ça va ou... Ouais, ouais, ils prennent leurs précautions, ils sont vigilants. J'ai l'impression, globalement, ils respectent plutôt bien les règles. Je reste à me dire, c'est dommage, ils continuent de travailler, mais en même temps, c'est difficile de s'arrêter ouais. complètement de travailler. Ouais. Plein de gens sont dans des situations assez délicates, et si ça continue de durer, plein de gens vont se retrouver dans des situations très périlleuses. Donc, je suis d'accord parce que nous, on a de la chance, on ne travaille pas, mais on est payé, on travaille, on travaille, mais à cause de la situation, quand même, on est quand même payé. Hein. Par contre, il y a des cas où. Des coiffeurs, exemple, je prends juste l'exemple des coiffeurs qui louent le local et puis le propriétaire, il faut le payer. Hein. Imagine, oui, non seulement eux, ils ne rentrent pas de l'argent, il faut qu'ils continuent de payer. Ils donnent. Mmh. Ouais. Donc, vraiment, c'est difficile. Ça commence, je ne sais pas, après, en Corée du Sud, je pense, d'après les informations, ils mettent ça à la perfection, je pense. Ils font ça très très bien. J'ai pas envie de perfection, c'est un bon grand mot, mais j'ai l'impression quoi, il y a une certaine maîtrise, il y a de l'expérience. Il y a à peu près 10 000 cas, il y a eu 10 000 cas en un mois et demi et seulement, c'est déjà trop, mais à peu près 150 morts. C'est juste. Écoute, là, tu me confirmes un petit peu les mensonges des informations. Et tu sais, bien que moi, avec les informations et tout ça, la télévision, moi, je ne crois pas tout ça, même Internet. Je filtre l'information d'après. Selon moi, je la filtre, c'est tout. Je ne la consomme pas, je l'analyse. Donc, tu me confirmes ça, c'est tout. Il y a beaucoup de mensonges là-dessus, hein, sur les chiffres, des morts, sur les chiffres, de tout. Je pense qu'on va tomber. Faut pas que échanger avec ses pairs. On risque de tomber souvent d'accord, toi et moi. Après, je fais aussi ce podcast pour rencontrer des gens avec qui je partage pas forcément tout le temps les opinions pour qu'il y ait des opinions, pour qu'il y ait des divergences. Ce qui est certain, c'est que sur cette conversation-là, on va avoir. Je sais qu'il y a de fortes chances qu'on parte un peu peut-être dans tous les sens. Il va y avoir beaucoup de. Il y a une chose sur laquelle on se retrouve, c'est l'humanité que tu as déjà abordée. Voilà. Donc, Hakim, pour commencer un peu plus les choses un peu plus formelles, Cela me fait particulièrement plaisir de te donner la parole. Ça faisait bien longtemps que ça me faisait bien longtemps. Je ne sais pas exactement tous les sujets que nous allons pouvoir aborder. Seulement, je suis content de comment dire, de moi me donner l'opportunité de te poser des questions par rapport au riche parcours que tu as. Et je suis sûr que bah, je vais en apprendre énormément, que j'ai déjà trouvé très inspirant. Et il est possible que je ne sois pas le seul. Seulement, si ce podcast est écouté par quelques personnes, Hakim, et peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont te connaître, et il y a peut-être des personnes qui ne te connaissent pas. Si tu devais te présenter, comment le ferais-tu? Oh. Ouais, ça va être très très simple. Je suis un citoyen de la Terre, tout simplement. Je ne vais dire ni le pays, ni. Non, je suis un citoyen de la Terre. Bah, écoute, je sais pas. Déjà, juste ça. C'est la première chose qui m'est venue, c'était juste ça. Mais pour moi, c'est parfait. Il y a vraiment pas de présentation parfaite. Je suis même pas question de cacher mon identité ou de pas. Non, je suis juste vraiment un citoyen de cette terre-là. Franchement. C'est marrant que tu dis ça parce que je sais que j'en ai déjà fait rigoler quelques-uns en postant des trucs, des fois parce que j'écris des fois sur le site Quora. Ou des fois je sais que je sais plus comment j'avais fait mais j'en avais fait cette petite blague à un copain où justement je disais j'avais signé quelques messages et je disais justement un citoyen du monde en tant que tu sais, je signais je disais citoyen du monde justement pourquoi c'est aussi évident pour toi de te présenter comme ça? Ça me sort de toutes ces clivages, ça me sort de toutes ces comment dire ça, c'est ça me sort ça, ça m'éloigne un petit peu de toutes ces comment dire ça, de me mettre dans un cadre, dans ces cadres-là bien préparés pour me destiner à être comme ça ou comme ça. Je ne veux pas être comme ça parce que il y a une sorte de système qui nous met dans ah, j'arrive pas à trouver parce que là on parle dans la philosophie, je m'attendais pas à ça. C'est même pas une philosophie, c'est une réalité, hein. Ok, pour simplifier un petit peu la chose, je ne veux pas me conformer à ce système qui nous met dans telle ou telle case. Je ne veux pas être comme ça. Tout d'un coup, je me suis dit, je ne veux pas être comme ça. Je ne supporte pas ça. Ça se peut pas. Parce que d'où ça vient ça? C'est parce que finalement, si je me suis présenté au début, je suis algérien. Ça veut rien dire pour moi. Pourquoi? Parce que en Algérie, il y a des bons, il y a du mauvais. En France, il y a du bon, il y a du mauvais. Aux États-Unis, il y a du bon, il y a du mauvais. Partout, partout, il y a du bon, il y a du mauvais. Et nous, on est là pour apporter un plus à cette terre et non un moins. Donc, moi, je te trouve, Thomas, français, quelqu'un de bien, je t'aiderai. Ce n'est pas parce que je suis algérien que toi, tu es français. On est déjà dans ce cliché, l'Algérie est colonisée par la France, les Algériens contre les Français. Je ne veux pas de tout ça, tu vois. Ça, c'est juste un exemple. C'est de là que je veux sortir complètement et d'être au-dessus de tout ça. C'est pour ça que je me suis présenté comme ça. Et ça m'est venu juste comme ça. Je n'ai même pas réfléchi d'ailleurs. Là, je réfléchis. Mais avant, je n'ai même pas réfléchi. Bah, moi en fait ça me va. Moi en fait ça me va et tu es la dixième personne à qui je pose cette question et en fait à chaque fois il y a 10 présentations différentes. Je sais pas si c'est lié à leur personnalité ou au contexte du podcast ou si c'est lié à parce que bah finalement je sais pas et moi je suis content que tu présentes ça comme ça parce que bah je sais qu'au fil de notre discussion je vais être un peu déstabilisé, ça fait partie un peu du jeu, dans le sens où justement avec toi, j'apprends à chacune de nos conversations comment dire, on est loin d'un conformisme. Et moi justement, ça me convient. Et pour rentrer... En fait, juste rajouter quelque chose. En fait, c'est quand je me suis présenté citoyen du monde, comme tu dis, ou citoyen de cette terre, c'est en fait, j'ai senti une certaine liberté incroyable. J'étais même pas obligé de dire que je suis algérien et de commencer de dire ceci, cela. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Et c'est venu juste comme ça. Franchement, c'est incroyable. Là, je peux vivre partout dans le monde, j'ai aucun problème. J'arrive dans cette société, je vis vraiment comme tout le monde, j'ai aucun problème. Ça me aucun va. Conformisme, je ne suis pas conforme à quelque chose, à une religion. J'ai évité ça, j'ai évité tout ce qui est le conformisme religieux, j'ai évité culturel, et tout ça, c'est vraiment, c'est juste des notions, c'est du vocabulaire juste qui existe ici, qu'ils nous ont mis pour les suivre, voilà, tout simplement. Juste en disant que je suis citoyen du monde, je me suis senti libre, tout simplement, voilà. Ça vient quand même. Plus on discute, plus il y a des choses qui viennent à la tête. Je vais être inspiré par tout ce que tu vas dire dans tous les cas. Et cette question, pourquoi je la pose, pourquoi j'ai pris l'habitude de la poser, pourquoi je continuerai probablement à la poser, c'est lié au fait que lorsque je rencontre quelqu'un, lorsque des gens se rencontrent, c'est pas uniquement que moi, on a souvent l'habitude de dire bon, ça va, enchanté, je m'appelle un tel, et puis un peu, qui es-tu, que fais-tu dans la vie? Et je suis extrêmement dérangé lorsqu'on me pose cette question, parce que déjà je n'ose même plus la poser, je pense qu'il m'est rarement arrivé de la poser, et puis c'est vraiment une question que je n'aime pas poser, parce qu'on a souvent tendance, suivant le contexte, à se définir un peu, notamment par sa casquette un peu professionnelle. Et, ouais. Et j'ai été étonné parfois, c'est ça, arrivé à 30 ans, dans notre âge à peu près, lorsqu'on est amené à entendre cette question ou à entendre des personnes parler autour de ça, en fait, les gens ont déjà eu plusieurs vies et ouais. Il devient difficile pour eux de se définir par une casquette professionnelle parce que c'est une question de circonstances. Ils se le disent un jour, je ne sais pas, médecin, et puis le lendemain, coiffeur, et puis le lendemain, restaurateur. Et puis en fait, on ne peut pas se définir professionnellement, ça délimite, comme tu le dis, un cadre. Et résoudre, ouais. Réduire une personne à une casquette professionnelle, je trouve ça tellement réducteur. Et il suffit que la ouais. personne, c'est ça, change... change de casquette pour que finalement elle ne se présente plus pareil, mais finalement ça reste la même personne. Donc finalement, qui est-elle vraiment? Donc est-ce que c'est une bonne question à poser? Je ne sais pas. Ouais. Donc moi j'évite, c'est pas que j'évite, j'ai jamais demandé à une personne, quand je la rencontre, je lui demande jamais d'où tu viens. Avant peut-être quand j'étais en Algérie, peut-être quand j'étais en France, mais maintenant, il y a quand même, depuis peut-être 2011 ou avant même, un peu mes dernières années en France, je ne demande jamais à une personne, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens? Juste, j'apprécie la personne si elle est vraiment une bonne personne devant moi. Je l'apprécie comme elle est. Et franchement, je m'en fous d'où elle vient. Je m'en fous si elle fait, je ne sais pas si elle est médecin ou si il est astronaute. Je m'en fous complètement, je m'en fiche de ça. C'est juste, tu apprécies la personne qui est devant toi, tu passes des bons moments et puis tu rentres chez toi content, heureux. C'est tout. Je vais quand même poser une autre question. Encore une fois, loin d'être introspective, ce n'est pas l'idée, mais... c'est pour un peu introduire le sujet. L'un des sujets principaux, c'est un peu le voyage à travers le temps et notamment par l'intermédiaire du football, notamment. C'est le voyage, le football, le sport et l'éducation. Et je suis ravi d'avoir cet échange avec toi, notamment aussi. Je l'ai peut-être oublié, il faudrait peut-être que je le mette dans l'introduction. C'est que tu es la première personne, si je ne dis pas de bêtises, qui a à la fois deux casquettes qui m'intéressaient énormément, c'est celle d'éducateur, celle d'entraîneur de football, d'entraîneur d'activités sportives, mais également enseignant. Sans définir ta personne par tes casquettes professionnelles, c'est quand même deux projets, deux missions dans lesquelles tu es investi. qui vont rendre pour moi l'échange encore plus intéressant parce que tu es dans une démarche au quotidien d'enseignement, de transmettre, de partage, de mise en place de certaines pédagogies. Et c'est vrai que la conversation prend devient d'autant plus riche pour moi. Et la deuxième question que j'aimerais te poser en introduction, Hakim, c'est à quand remontent tes premiers souvenirs footballistiques, à tes premiers souvenirs d'encadrement dans le football? Encadrement en tant qu'éducateur, c'est ça? Les deux. Est-ce que ce que tu souhaites partager, à quand remontent tes premiers souvenirs de footballeur et puis à quand remontent te souviens-tu que ton expérience dans l'encadrement footballistique a démarré? Ok, donc la première question, c'est à peu près sur les deux casquettes. Tu parlais des deux casquettes, c'est ça? Enseignant et entraîneur. Mmh. Écoute, c'est tu sais, en Algérie, c'est un pays de foot et de foot. Donc, je suis allé dans ce sens-là parce que j'aime le foot. On m'a dit que j'étais bon et puis j'ai continué sur cette voie-là. Au début, je n'ai même pas choisi de devenir un bon joueur de foot. J'ai jamais eu un rêve d'aller jouer dans une équipe. C'était juste comme ça. On a joué dans le quartier, et puis peut-être, je suis sûr que c'est les gens qui m'ont fait sentir ça, et je suis allé dans ce sens, de jouer, à force de jouer, ils ont découvert quelqu'un qui joue bien. Mais j'ai jamais eu un rêve d'aller jouer dans une équipe de foot ou des choses comme ça. Ça, c'est le début, hein. Et puis, c'est pourquoi je raconte ça, parce que, juste pour te dire comment je suis arrivé aujourd'hui à être entraîneur déjà. Donc l'origine de cette profession qui est éducateur, c'était ça, c'était même pas un rêve. L'école, alors là, l'école, mes parents, ils ont insisté vraiment sur ça, parce que mes parents, on a vécu dans la misère noire, mon ami. et c'est vrai, en plus, il n'y avait que mon père qui travaillait, hein, c'est tout, et puis ça, son salaire n'est pas vraiment un salaire de... Qui peut vraiment... Il essaie d'abord d'acheter le nécessaire, hein, la nourriture. Après, le reste, on verra. Hein. Et nous, on a essayé, après, vers 14, 15, 16, 17, on a essayé de se débrouiller. Alors là, 17, 16, 17, 18 ans, après ça, j'ai commencé à travailler dans des chantiers de construction, des choses comme ça. C'est là d'où ça vient, la force et l'honneur, c'est de là. et donc, par contre, par rapport à ça, justement, pourquoi je te raconte aussi ça, par rapport à ça, aussi, mon père, il a insisté sur le fait vraiment d'aller jusqu'au bout de nos études et puis de réussir. Pour lui, c'est vraiment, il ne faut pas être comme lui, il faut réussir dans la vie. D'autant plus qu'on a du potentiel vraiment dans ce domaine des études. Donc, il a insisté sur à ce qu'on réussisse, dans la vie. Le football, c'était une découverte, tout simplement. À force, plus je joue, plus les gens me font sentir que je suis bon. Et j'ai continué sur cette voie. J'ai commencé par... Après, c'est ce qui est... On va tout de suite... je vais tout de suite répondre directement sur la deuxième question. La deuxième question, j'ai jamais rêvé de jouer dans telle ou telle équipe, franchement. J'ai regardé des matchs et tout. Je voyais les grands joueurs, les seniors qui jouaient dans le village. Ça jouait bien, on regardait ça. C'était pour nous, ils sont inatteignables, on ne pouvait pas les atteindre tellement. Même le ballon, on dirait, il fait Il est grand, le ballon ne pouvait pas même pas le faire bouger. C'est des choses comme ça, on dirait que c'est des monstres devant nous. Mais à force qu'on me fasse sentir que je suis bon, mon père m'a inscrit dans un club de la région, un peu loin de chez moi. Les Poussins, si tu te rappelles. Poussins, minime, cadet, junior, espoir et senior. Donc moi, j'ai fait la dernière année des Poussins, la dernière année. 9 ans, je pense, à peu près, quelque chose comme ça. 8 ans, peut-être 7 ans. Ouais, 7 ans. 7 ans, un truc du genre comme ça. 7-8, j'ai commencé la dernière. Poussins, je ne l'ai pas fait en réalité. C'était juste un mois ou deux. Parce qu'on a déménagé du village en ville. Donc, on est allé en ville, vivre en ville. Et là, c'est quand ça a commencé comme ça. J'ai joué. Je te dis pas que j'étais le meilleur au début. J'étais pas le meilleur au début, franchement. Je vais pas mentir, ça c'est sûr. Ça sert à rien de mentir déjà. Et puis minime, cadet, junior, espoir. Et puis j'ai joué 2 ans en senior. Après, comme je t'ai dit la dernière fois, la distance entre l'université et chez moi, c'est tu ne peux pas. Donc, soit tu restes dans une résidence universitaire, soit tu restes à la maison pour jouer au foot. Donc, mon père, pour lui, la réussite, c'est l'école. Voilà, c'est ça. Mais sinon, en gros, oui, peut-être il y a des rêves au niveau scolaire, mais j'ai jamais eu de rêve au niveau footballistique. Même si j'étais... Tout le monde parlait de moi, on va dire, comme ça. Tu sens que tout le monde apprécie ton jeu, respecte, il te respecte, il le sent, je le sens de toute façon. Toi tu le sais de toute façon, on le sent. Et tout le monde parle de toi, tu sais que... Mais j'ai jamais eu un rêve vraiment d'aller jusqu'en première équipe, l'équipe première de la région ou du pays ou je sais pas quoi. J'ai jamais eu ce rêve-là. Ça ressemblait à quoi le foot quand tu étais plus jeune, Hakim? C'est-à-dire, là, j'avoue que j'ai l'impression que ça ressemblait un peu au foot en France, évidemment, sur l'appellation, mais je pense que la colonisation a un peu aidé, forcément. Ça ressemblait à quoi? C'était quoi? Un entraînement par semaine? 2 entraînements par semaine? Est-ce que c'était les entraînements en semaine et puis un des matchs le week-end? Est-ce que vous aviez, je sais pas, si tu devais décrire un peu, je sais pas, une semaine type, un entraînement type, est-ce que vous jouez sur un terrain en herbe? Est-ce que c'était du sable? Est-ce qu'il y avait des vestiaires? Est-ce que, je sais pas, il y avait un entraîneur pour 12 enfants? Est-ce que c'était cher? Est-ce que... ça ressemblait à quoi l'environnement des matchs? Moi je suis curieux là, j'ai aucune idée à quoi ça peut ressembler, ouais. Le foot en Algérie quand tu étais plus jeune? C'est à peu près la même chose qu'en France, surtout au niveau des divisions. Mais maintenant je pense qu'ils ont bien changé beaucoup de choses. D'accord. Ils ont changé vraiment beaucoup de choses. Mais avant, quand je jouais, je pense que ça se rapproche vraiment de l'organisation. En France, on va attaquer un petit peu les souvenirs là. ça fait longtemps. Hein. Bon, pour répondre à la première question, c'est que c'est trois fois par semaine de 1h30 ou de même 2h si je me rappelle pas bien. Je me rappelle pas bien. Je pense que c'est même 2h si je m'abuse pas. Je pense c'est 2h, 3 fois par semaine et un match. Le terrain, c'est du sable, le turf. Les vestiaires, oui, on a des vestiaires, mais vestiaires communs, juste une salle d'attente, espèce de salle d'attente et puis une toilette. Et puis l'autre côté, la même chose pour l'équipe adverse. Il y a des gradins pour nous. Il y a juste un côté des gradins, des tribunes. Voilà, c'est ça le format des... En gros, on n'a pas été encadré par de bons entraîneurs, pour te le dire. C'est juste des connaisseurs. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oui, mais parce que d'habitude, C'est pas tous, d'ailleurs. C'est souvent, c'est les seniors qui entraînent les petites catégories chez nous. D'accord. Un joueur de la région, senior, il a des connaissances, des choses comme ça. Quand c'est comme ça, ça va. Mais je me rappelle des entraîneurs, ils ne savent même pas jouer au foot. Hein. C'est juste des connaisseurs de foot qui D'accord. nous ont bénévolement, entraîné. Tu penses ? Ils ont pas un programme spécial, franchement. On n'avait pas ces moyens-là qu'on a en ce moment. Ils mettent des moyens, par exemple, un programme technique, des choses comme ça. Non, il n'y a pas de tout ça. Pas de tout ça. Il y a juste ce travail un peu à l'ancienne de la rigidité, une bonne pédagogie, quelques ballons, quelques coupelles. Je me rappelle, d'abord, il n'y avait même pas de coupelles, pour te le dire, c'est des connes. Même pas, je ne me rappelle pas qu'il y avait des coupelles, je pense. Là, écoute, par contre, moi, je suis pas rattaché à mon passé, j'ai oublié beaucoup de choses. D'accord. Okay. Non, moi, on n'est pas obligé, c'était juste par curiosité. Non, il n'y a pas de problème. Thomas, pose-moi n'importe quelle question. Oh, pas ouais. de filtre. Non, justement, moi, ça m'intéresse parce que c'est pas du tout ma culture et j'ai eu un échange il y a deux épisodes ou trois, je crois, il y a une semaine, justement, avec un joueur que j'ai côtoyé, puis une personne surtout que j'ai côtoyé, que j'apprécie beaucoup. Ben, il est ivoirien, il vient de Côte d'Ivoire, et justement, je me suis permis de poser des questions un peu similaires et de savoir, moi, j'ai grandi en France, donc. Ouais. Même si on est un peu tous, pour moi, citoyens du monde, même si je suis un citoyen du monde, on n'a pas tous eu la même éducation. Donc, c'est un peu pour ça, je suis curieux un peu de comment ça se passe, comment s'est passée ton éducation footballistique en Algérie. Il y a deux questions là qui me viennent en tête. Est-ce que tu penses que On n'a pas mis le paquet sur notre formation. C'est même pas une formation. On s'inscrivait pour faire des équipes. Ils n'ont pas cette notion dans leur tête de former des jeunes. Tu comprends, c'est même pas ça. Former des équipes pour les ouais. matchs. Ouais, écoute, quand on joue en déplacement, tellement il y a tellement de à manger des casse-croûtes, hein, avec des pâtés et puis de la vache qui rit. Hein. C'est même pas une fois par hasard par tremblement de terre on mange, c'est la fête. Alors ça, c'est dans un restaurant, frites omelettes, mon ami, tout le monde, on se sent un peu. Mais sinon, il y a pas, ils ont pas mis, ils ont pas cette notion, une ambition ou un projet. C'est juste, il y a une structure qui existe. C'est un pays de foot. Et puis le foot dans cette région, vraiment, c'est. D'ailleurs, il y a deux clubs dans la même région. On a deux clubs dans la même région. Il y a une rivalité entre les deux et tout. Et donc, c'est quoi ça, les noms des clubs? En gros, c'est. Ah. C'était quoi les noms des clubs? Un club, c'est au nom d'un village, un grand village qui a beaucoup de potentiel au niveau des jeunes. Et donc, il s'appelle. C'est un village de. Comment dire d'ailleurs, ma région, elle s'appelait, pendant la colonisation, elle s'appelait Fort National. Avant, c'était Fort Napoléon. Après, Fort National. Et donc, ça a changé. Le nom donc, de ton, le nom de ta région. Il y a le club de la ville. ESN, ça s'appelle Étoile Sportive Nathiraten. Ça s'appelle comme ça. D'accord. Et l'autre, c'est Certea. Club. Je ne me rappelle pas. Théorie Moukara. Je vais pas répéter les noms, Hakim, parce que tu te doutes que moi, avec comme je ne parle pas l'arabe, je risque d'écorcher le nom et c'est pas le but. Mais merci. Il y a plein de questions qui me viennent en tête là. Je vais le mettre. Par rapport à ça, pourquoi Étoile Sportive? Pourquoi en Algérie et notamment en Afrique du Nord, il y a beaucoup de clubs qui s'appellent Étoile Sportive, comme en France, il y aurait beaucoup de football clubs ou il y aurait beaucoup de ASPTT ou Association Sportive de ou. T'as une idée ça ou très très bonne question ça franchement mais je peux non je ne sais pas vraiment pourquoi ils mettent ça mais Étoile Sportive parce que même pendant la guerre de libération il y a eu la création d'un groupe qui s'appelle Étoile Nord-Africain D'accord. C'était un groupe qui luttait contre la colonisation française et tout. Et donc, il a été créé en Algérie. Donc, je sais pas vraiment. Franchement, c'est une très bonne idée. Une très bonne question, celle-là. Ouais, il y avait. Et c'est vrai, il y a Étoile de sportive du Sahel en Tunisie. Exact, mais oui. Le Sfax. L'espérance de. L'espérance de Tunis, ouais. Mais. Plutôt que Tunis, ouais. Ouais, mais non, parce que j'avais eu un épisode justement avec Anthony. Et justement, dans le sud, lui qui vient de l'Hérault, il y a beaucoup de clubs dans le sud qui s'appellent ASPTT, donc Association Sportive. Je pourrais pas m'en souvenir parfaitement, mais nous, en banlieue parisienne, ou du coup dans le nord de la France, il n'y a pas du tout ça. C'est plutôt Association Sportive ou Football Club. C'est bon. Après, j'en avais parlé, et puis il m'avait mentionné le fait que c'était un peu. Lié à des investisseurs qui enfin vu que c'était plutôt des investisseurs alors je me rappelle plus exactement ce qu'il avait pu mentionner Mais ça, c'est mais c'était lié un peu à ça rentre. l'environnement, lié au contexte. Ouais, c'est plus ça, c'est ce qu'on appelle la sociologie footballistique, ça. Ouais, C'est vrai ce exact. que tu dis, parce que c'est chaque région, sa sociologie diffère de Exact, notre ouais. région. Ça veut dire que si tu cherches un peu plus, parce que moi, j'ai étudié un petit peu la sociolinguistique. Donc, la sociolinguistique, chaque région, par exemple, juste en Kabylie, déjà, chaque région en Kabylie, ils ont une appellation différente par rapport au même objet. Exemple, le lait, par exemple, on a différentes appellations chez nous en Kabylie. Donc, c'est qui s'occupe de cette étude? C'est la sociolinguistique, la sociologie et la langue, la linguistique. Donc, je pense que la sociologie footballistique, c'est à peu près ça. Vraiment, tu soulèves Mais une bonne question. comme on le sait, hein, Association de soccer de Hull, mais aussi Club des Collines, enfin à Gatineau, au Canada, au Québec, qui est là où tu habites, où tu as Association de Delmer, il y avait aussi des noms très nord-américains, mais c'est vrai que Club des Collines, ça parle un peu plus. Il y a de l'influence, il y a le manque d'inspiration et puis ça tombe dans l'influence. Oui. Il y a beaucoup de choses, hein. Par exemple, Dim... moi, par exemple, je suis bloqué dans ma tête et puis je vois, ah, l'étoile sportive du Sahel. Ok, on va mettre aussi l'étoile sportive de, je ne sais pas moi, d'autres choses. Ainsi de suite, ainsi de suite. Après, il y a aussi, peut-être on peut parler sur la réputation du club. Ça attire quand même. Donc, on veut être comme lui. Donc, on va mettre étoile sportive de, je ne sais pas moi, de Djerba. On parle de Tunisie, là, Ouais, carrément. clairement, Donc, clairement. il y a beaucoup de choses. C'est vraiment une étude sociologique qu'il faut faire là-dessus. Pour te répondre exactement, je pense que tu viens de soulever une très bonne question. Et dis-moi, les éducateurs que vous aviez, tu penses que c'était du bénévolat, les seniors qui intervenaient en séance Oui, d'entraînement? oui, oui, oui. D'accord. Aucun entraîneur n'était payé. Ouais. Et les matchs, comment ça se passe? Les compétitions, c'est ben, un match par week-end, à peu près, on s'entend. Comment ça se passe? Vous vous déplacez comment? Ça ressemble à quoi, un match? Le contexte, parce que tu as parlé de région, est-ce qu'il y a des grandes distances à parcourir, par exemple? Oui, donc pour les matchs, c'est que je me rappelle bien, les minimes commencent en premier. Non, attends, ah mince, attends. C'est toujours les matchs d'ouverture, c'est les petits qui commencent après les seniors vers la fin, je me rappelle ça, c'est sûr. Donc les matchs à l'intérieur, donc il n'y a aucun problème. On venait tous à pied ou par transport nous-mêmes, on venait nous-mêmes au stade. Maintenant, une fois par semaine, c'est sûr, c'est régulier. C'est une fois un match par week-end. Après ça, les déplacements, c'est la ville qui nous donne l'autobus. C'est pour les déplacements. On se déplaçait comme ça, autobus, le matin, vraiment à 7 heures, il faut qu'on soit tous sur place, à un point de rencontre. Et puis, on est tous là, on embarque dans l'autobus et on y va. Les matchs commencent par, je pense, c'est toujours les minimes, les cadets et puis les juniors à la fin. Dis-moi, donc c'est intéressant parce que comme ça, toutes les différentes catégories se déplacent ensemble. C'est quelque chose que je pense que je n'ai pas vu depuis longtemps. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de pratiquants maintenant dans le foot, donc c'est un peu plus compliqué. Dis-moi, est-ce que, par exemple, si je te pose la question, je te dis, OK, Hakim, tu as joué au foot, si je ne dis pas de bêtises, sur différents continents, dans différents pays. Et l'expérience que tu as eue, notamment en Algérie, est-ce qu'il y a des choses que tu ressors, que tu peux ressortir sur ton expérience de joueur dans ta vie un peu plus jeune, que tu t'es dit, je n'ai vu ça qu'en Algérie, je n'ai vécu ça qu'en Algérie. J'ai vu le foot en Algérie, en France, au Canada notamment, et peut-être dans d'autres pays du monde, mais de ce que je me souviens, ouais, y a vraiment qu'en Algérie que j'ai vécu ça ou que j'ai vu ça. Moi, j'ai joué dans un cadre, dans un club. Ça veut dire que en Algérie, j'ai joué dans un club. En France, j'ai pas joué dans un club, mais j'ai vraiment joué avec beaucoup de bons joueurs en France. Ici aussi, mais attends, donc la question, c'est juste pour répondre à tes questions, c'est que chez moi, l'entraîneur, il est maître des lieux, il impose sa discipline et toi tu l'écoutes. Et si par exemple tu fais des bêtises, ton père, même si par exemple c'est l'entraîneur qui est un peu on va dire que t'es pas juste avec toi, le père, il soutiendra l'entraîneur. Il faut l'écouter, il faut faire ça, il faut faire ça. Je trouve ça, ils sont pas injustes souvent, ils sont pas vraiment injustes, mais des fois, il y a des entraîneurs qui sont injustes. Mais j'ai pas vu de l'injustice, moi, par contre. J'ai pas vu de l'injustice, mais il y a cette pédagogie, cette discipline installée sur le terrain. Toi, tu t'occupes pas du travail de l'entraîneur. Toi, tu es là, tu apprends, tu t'amuses, tu rentres chez toi. C'est ça. On s'est amusé. On n'a jamais jugé le travail de l'entraîneur. On n'a jamais jugé l'entraîneur. On n'a rien de tout ça. On est remplaçant. Moi, j'étais remplaçant. J'ai joué quand même au début. J'ai commencé remplaçant, minime. De temps en temps, quand j'ai des examens, je ne vais pas. Donc, je joue remplaçant. J'ai jamais dit quoi que ce soit à l'entraîneur ou quelqu'un dit quelque chose à l'entraîneur. Remplaçant, et puis tu joues. Point final. J'ai aimé ça et j'aime ça. Surtout quand tu tombes avec un entraîneur juste. Maintenant, quand il y a un entraîneur injuste qui abuse de ça, là, il faut le stopper. Ça ne marche pas, ça. Mais moi, de ce que j'ai vu, j'ai aimé ça, franchement. Et justement, pour... Excuse-moi. On n'a pas à dire quoi que ce soit à l'entraîneur. Déjà qu'on n'a pas de moyens et tout, donc nous, on fait notre travail, on se la ferme. Là, je résume un peu jusqu'à caricature. Mais écoute, c'était le bonheur. Moi, je n'ai pas détesté cette expérience. Je pense que même en France, je pensais à peu près ça aussi. Hein. Par exemple, l'entraîneur qui nous crie dessus comme ça, à plein poumon, comme un hystérique sur nous, sur le terrain, on continue à jouer. On continue à jouer. Déplace-toi et puis reprends ta place et puis nous, on continue à jouer. Pas besoin de s'énerver. C'est bien ça, de se concentrer seulement sur ce qu'on fait sur le terrain. Après, il y en a d'autres peut-être. Je dis pas c'est tout le monde qui fait ça, tous les joueurs qui font ça. C'est sûr qu'il y a des insatisfaits peut-être qui ne sont pas satisfaits d'être remplaçants et tout, mais pas plus. Il ne va pas protester ou de dire quoi que ce soit, parce qu'il sait que de toute façon, s'il proteste, le prochain match, il va être remplaçant aussi. Tu as parlé de... Il y a aussi la discipline des trois entraînements. Écoute, tu manques un entraînement, tu vas être remplaçant même si tu es le meilleur sur le terrain. Mais tout simplement. Tu as parlé justement à un moment donné, il y a un petit moment là de pédagogie. Tu as dit que ça va peut-être que tu as déjà répondu à cette question, mais ça viendrait peut-être la compléter. C'est quoi un peu selon toi justement une bonne pédagogie par rapport à ce que tu as reçu lorsque tu étais joueur? Est-ce qu'ils savent est-ce qu'ils ont été formés au niveau pédagogique? Je dirais non, parce que ce n'est pas des entraîneurs formés par rapport à ça. Ils font une petite formation peut-être au niveau du premier club de la région, la JS Kabylie. Quelques entraîneurs, mais pas tous, un ou deux. Mais on parle de pédagogie. Est-ce qu'ils ont été formés par rapport à ça? Je te dirais que non. Mais la vie a fait qu'ils ont appris beaucoup de choses dans la vie en général. Et puis, c'est des connaisseurs de foot en particulier. Donc, ils ont un peu mélangé entre ces deux choses. Et puis voilà, la pédagogie, tu n'as pas besoin de diplôme si tu as un vécu et puis tu es quelqu'un de bien. Tu as utilisé, par exemple, tes difficultés dans le bon sens. Les difficultés de la vie, et tout. C'est, on apprend beaucoup grâce à la vie. Surtout si on a vécu dans des situations vraiment difficiles et tout. Donc, on apprend beaucoup. Donc, je te dirais que il n'y a pas vraiment une pédagogie. Franchement, en plus à ce moment-là, moi j'étais pas, comment dire, un observateur de dire il est bon ou pas bon, est-ce que l'entraîneur est bon ou pas bon. Franchement, je fais mon travail, je rentre chez moi. Franchement, j'avais même pas le temps. J'ai fait juste mon rôle de joueur. Je rentre chez moi à la maison. Et je me rappelle, en plus, je rentre à pied. À pied, minimum, tu sais, attends, je vais te le dire. Minimum 10 km à pied. Après les séances d'entraînement? Ouais. Trois fois par semaine. Je rentre à pied. 10 km à pied. Mais il y en a pour 2 heures. Un peu plus vite. Je marchais un peu plus vite, ça me prenait un peu moins, beaucoup moins même. D'accord, donc c'est quoi, tes parents t'emmènent à la séance d'entraînement ou non, tu y vas à pied, tu reviens à pied? Ah non, à pied, débrouille-toi. Ok, donc tu vas à l'école, puis tu files directement à l'entraînement à pied, puis tu reviens, puis tu rentres chez toi, il est 22h en fait. C'était... Nous, on finissait l'école vers 4 heures, on va dire. 4 heures. L'aller, je prenais pas l'autobus, mais un fourgon, un petit fourgon comme ça, comme un petit taxi. Nous, on utilisait des fourgons beaucoup plus. Je me rappelle bien. Et puis, l'aller, c'est ça. Et le retour, c'est un peu. Il fait nuit, pas beaucoup de transport. S'il n'y a pas beaucoup de transport, écoute, à pied. À pied jusqu'à la maison. Et puis d'ailleurs, même l'école. Hein. Même l'école. L'école, attends, je vais te le dire. L'école, 7e, 8e et 9e année, ça c'est facilement 2 heures. À pied et à l'aller et 2 heures retour. Ça c'est sûr. Là, je te signe ça. Ça c'est sûr, ça. C'est... J'habite. Après, je vais voir. Je vais te confirmer ça. Bon, dans tous les cas, c'était long. 10 km, il y a 10 km, c'est sans exagérer. Aller et retour. C'est assez incroyable. Il n'y a pas que moi. Ouais. Il n'y a pas que moi. Du coup, dans ta journée, tu fais que. On commençait à marcher vers 6h20 pour arriver à 8h moins 10. Et si tu arrives à 8h, une minute, le surveillant ne te laissera pas rentrer en classe. Tu restes dehors. La rigidité du système. C'est fou. Ouais, du coup, ouais, essentiellement. On n'avait pas beaucoup de moyens c'est par rapport à ça. Non, bien sûr, ça fait partie du jeu, mais ouais, ton quotidien, ouais. Il est rythmé. Entre l'école et le football essentiellement, et puis les marches pour rallier ces différents lieux. Du coup, j'enchaîne un peu, je passe quelques années là, Hakim, si je dis pas de bêtises, tu rejoins finalement la France quelques années beaucoup plus tard, on s'entend bien. Ouais. Là, on parle un peu moins de football, mais moi, ça m'intéresse parce que dans le podcast que je veux faire, dans ce que je veux apprendre des autres, notamment de toi, c'est aussi le voyage, c'est aussi l'éducation par le voyage, l'éducation de la vie par le voyage. Et dans ce que tu es libre de partager, évidemment, c'est un peu comment ça se passe, cette arrivée en France, le plaisir d'y être et peut-être aussi les difficultés d'arriver dans un pays et dans une culture différente. Ce que tu peux partager à ce niveau-là, comment ça se passe, comment tu t'adaptes, quelles sont les difficultés auxquelles tu fais face, qu'est-ce que tu entreprends, combien de temps ça dure, c'est un peu ça. Elle est large la question, mais elle est assez libre aussi également. Ouais. T'inquiète, de toute façon, je vais juste prendre un petit peu de... j'étais retourné en 2006 pour te retracer tout ça. Je ferais comme si c'était... Ok, donc... c'est, d'ailleurs, c'est 2006. 2006, septembre 2006, je suis allé en France, le 9 septembre 2006. Pourquoi je suis allé en France? C'est pour continuer mes études. Est-ce que... C'est fou que tu te souviennes de la date idéale, la date exacte. Ah, c'est le 9 septembre. Ici, c'est le 22 février. Je suis arrivé ici le 22 février 2011. C'est fou que tu t'en souviennes comme ça. Mais bon, bref, excuse-moi de te couper. Tu sais pourquoi je me souviens comme ça? Parce que après, pendant vraiment, surtout les débuts du mois de septembre, le début de la fin, enfin, tout le mois de septembre et octobre, j'ai fait que remplir des papiers le 9 septembre et reviens chaque fois. Tu déposes des papiers, tu t'inscris, ta carte elle expire. Donc, c'est par rapport à ça que je me souviens. D'accord. Okay. Est-ce que c'était un choix? Je ne pense pas du tout. Est-ce que c'était mon destin? 80%, 90% je crois à ça. Avant, il y a, je sais pas moi, quand j'étais en France, si tu m'avais posé la même question, je t'aurais dit oui, j'ai le choix, j'ai de la chance, c'était mon choix de venir ici. Non, maintenant avec plus de lucidité, et puis on est plus assagi maintenant, je te dirais que est-ce que c'était un choix? C'est faux. C'était même pas un choix. Est-ce que c'était le destin? Peut-être. C'est pour apprendre dans la vie, pour progresser dans la vie, pour voir de nouvelles choses dans la vie, de nouvelles personnes dans la vie, un autre milieu différent de celui où j'ai vécu dans la vie. Le choix, je pense pas. C'était juste un rêve, peut-être, un rêve d'aller en France. Pourquoi rêver d'aller en France? Tout simplement parce qu'on a été mis dans ce moule, parce qu'on nous a programmé à ça. Ça veut dire que l'Algérie, il n'y a pas beaucoup de réussite. La France, tu vois, c'est le pays où tu vas réussir, c'est la réussite. Nous, on nous a mis dans la tête la réussite à travers la télévision. Ils nous ont dit que l'Europe et l'Amérique, c'est la réussite. Et donc, on a associé ça. Et nous, je vais aller en France. Ok, d'accord. Je suis allé en France parce que dans la tête des gens, des Algériens, je suis sûr à 100%, aller en France, c'était la réussite. J'arrive en France. Est-ce que c'était la réussite? Pas du tout. Pas du tout. Pas de réussite. Rien du tout. C'était vraiment autre chose. Au niveau infrastructure, ça change de l'Algérie. Au niveau de ça, ça change vraiment. Tout est propre en France. Tout est bien organisé. Mais sinon, la réalité des choses, c'était comme un choc. Hein. C'était un choc, un vrai choc. Hein. je peux te dire même, c'est mieux en Algérie qu'en France. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est en Algérie, tu es chez toi, tu n'as pas besoin de travailler, tu peux t'occuper seulement de tes études. En France, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, écoute-moi bien, hein, c'est que on a mélangé, on a en même temps le stress de réussir, la lourde tâche de réussir son année, l'année, ses études, en même temps de travailler, parce que je viens pas d'une famille aisée, donc il faut que je travaille pour payer le loyer et ma nourriture, à manger. Et une fois que tu as mis tes pieds en France, oublie l'Algérie, tu peux pas retourner. Sinon, tu vas paraître comme un loser. Est-ce que tu as compris tout ça? Imagine-toi tout ça. Et rajouter la cerise sur le gâteau, c'est que la France ne te donnera pas les papiers aussi facilement que ça. Un stress de haut niveau permanent qui te suit tout le temps. Si tu es foutu, si tu n'as pas le mental d'acier. Est-ce que ce mental, tu l'as au début ou tu finis par l'avoir? Comment tu t'adaptes? Écoute, dis-moi un peu, partage-nous peut-être, qu'est-ce que, à ce moment-là, brièvement, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail à ce moment-là, mais qu'est-ce que tu fais quand tu arrives en France? Quelles sont les études que tu suis? Et un peu comment justement ce mental d'acier, d'où il vient et comment il perdure? Ok, je commence par la deuxième question. Le mental d'acier, je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu as vu quelqu'un pour gagner de l'argent avec mon ami, en marché, chaque jour, en se lever à 4h, à 3h30 du matin, on commençait la marche à 4h du matin, on va à notre travail. On commençait à 6h du matin, donc 2h de marche. Pour aller au travail, pas de transport à ce moment-là. Ça, c'est en Algérie, là. C'est en Algérie. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on faisait ? On prenait un pioche et il y a... une espèce de montagne comme ça. Une machine ne pouvait pas entrer pour niveler, pour le terrassement. Et c'est qui a fait ça? C'était nous, à main nue, à 45 degrés à l'ombre. 45 degrés, l'été, en plein été. Donc nous, on a fait le travail d'une machine. Et on le faisait avec des blagues, avec de la joie, de vivre. Avec le bonheur, avec... Écoute, c'était les meilleurs moments de ma vie, c'était ça. Donc, je t'ai donné un fragment de l'origine de mon mental d'acier, juste un petit fragment. Il y en a d'autres, j'ai plein d'exemples comme ça. Donc, tu arrives sur l'origine, c'est ça. Hein. Écoute, on arrive en France... en France, je te dirais pas que grâce à mon mental d'acier que j'ai survécu, mais j'ai renforcé mon mental d'acier. Parce que être dans un pays tout seul, hein, étranger, toute ta famille n'est pas avec toi, et tu as tout ce stress de haut niveau permanent, je pense qu'il y a les anges qui nous a aidés, hein. Je peux te le dire. Parce que, imagine, tu ne peux pas, pour avoir tes papiers, nous, notre objectif, c'est d'avoir les papiers et de rester en France. C'est ça la réussite, finalement, que nous, inconsciemment, on l'avait inconsciemment, mais plus tard, on l'a compris plus tard. C'est que tu arrives en France, avoir les papiers. À ce moment-là, la fin justifie les moyens. Ça déforme notre objectif initial, qui est de réussir les études. Et tu vas virer vers le machiavélisme. Ça veut dire que tous les moyens sont bons pour avoir les papiers. Quels sont ces moyens-là? Se marier avec quelqu'un qui a les papiers, une personne qui a des papiers français, des choses comme ça. Et ça nous a déformés, ça m'a déformé. Mais pas moi, en tout cas, pas à 100%, parce que moi, j'avais pas l'intention de me marier. Pour moi, c'était une lâcheté. Je me disais, il faut avoir ces papiers par toi-même. Comme ça, tu seras un vrai homme. Force et honneur. Voilà ce qui s'est passé. Et moi, j'ai travaillé dans une usine, une imprimerie. C'est très, très, très connu en France. J'essaie Déco. Je ne sais pas si tu connais ça. Si tu tapes ça sur Internet, c'est vraiment connu. Non, ça me dit quelque chose. À Tours. Écoute-moi, au début, personne ne m'adressait la parole. Tu étais à l'université à Tours ? À Tours, oui. À Orléans, au début, c'était à Orléans. D'accord. Et puis à Tours. D'accord. Master 2 à Tours. Master 2 de quoi ? Et puis, en littérature française et comparée. D'accord, ok. Et donc, j'ai travaillé en GC Déco. À ce moment-là, au début, j'étais le seul étranger dans l'usine. Parce que la boîte d'intérim qui m'a envoyé là-bas, je suis allé. Écoute, au début, il me regardait comme « Qu'est-ce qu'il fout le mec ici ? C'est quoi son problème ?» Des choses comme ça et tout. Petit à petit, à force qu'ils me connaissent, tout le monde a envie de m'inviter chez lui. Au bout de 3 mois, c'est fini. Les directeurs, parce qu'il y a plusieurs usines, en même temps, ça appartient au même. Plusieurs fonctions, je pense. Là, par exemple, c'est l'emballage, l'autre, c'est la production, des choses comme ça. J'ai travaillé partout dans ces usines et tout le monde était d'accord qu'ils veulent me garder. Ils m'ont dit, écoute, on va essayer de demander de te préparer un dossier pour que tu restes ici avec nous et tu vas avoir tes papiers. Mais moi, je sais que pour avoir les papiers en France, il faut que tu aies un travail avec ton diplôme. Donc c'est à peu près ça. Juste je te raconte un petit truc comme ça. Ça c'est par rapport au choix, au destin. Mais tout ça, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je changerai rien à ce que j'ai vécu. Je ne changerai rien du tout. Par rapport à cette expatriation en France, tu dis? Oui. Et justement, ça m'intéresse, Hakim. Bah c'est marrant ce que tu Moi, c'est quelque chose, c'est pour ça que je parle d'expatriation, parce que bah, j'en suis déjà à ma deuxième expatriation, après le Canada et maintenant la Corée. Ouais. J'en ressors évidemment extrêmement grandi de ces expériences-là. Ouais. Et bah, je me retrouve un peu dans cette image-là où tu arrives à un endroit et puis des gens se demandent un peu « qu'est-ce que tu fais là ?» bah, notamment en Corée du Sud. Et puis, après quelques temps de se faire inviter, je suis content de voir que bah, c'est le cas même en France. À l'occasion de ton expérience personnelle. Et dis-moi, je pense que tu allais enchaîner là-dessus, mais quels sont justement ces apprentissages de ton expatriation en France ? Qu'est-ce que tu en gardes ? Qu'est-ce que tu pourrais partager là avec moi de, parce que moi, j'en ai appris certaines choses, mais c'est des histoires très personnelles. Et toi, justement, comment tu as vécu cette aventure et comment, peut-être consciemment ou non, tu arrives tu as appris des choses ou tu en ressors grandi de cette expérience-là ? Ouais, mais moi, juste, je t'enlève rien à ton parcours d'expatriation, comme tu dis, mais il y a une grosse différence entre, par exemple, moi et toi. Juste, mais c'est pas une compétition, je fais pas une comparaison. C'est juste que je vais te le dire et tu vas être sûrement d'accord avec moi. La différence, c'est que le stress permanent qui te suit derrière, à chaque fois, et parce qu'on a programmé, on a programmé notre inconscient, la réussite, c'est les papiers. Toi, tu peux voyager un peu partout, mais tu sais, tu es tranquille du côté papier. Tu peux aller où tu veux. Tu comprends ? Ok, ouais. Ok, d'accord. Mais nous, Non, je me permets là, parce que pour que les gens qui écoutent comprennent pourquoi tu viens de dire ça, et tous ceux okay. qui... Je me permets d'intervenir, je partage complètement... Après, je vais te laisser terminer, Hakim. Concernant la Corée du Sud, tu as amplement raison. Concernant le Canada, tu as à peu près raison parce que je pense que... Ah ouais, c'est vrai. Parce que je pense que je n'ai pas vécu ce que tu as vécu et je n'étais pas parti dans le but de me dire « Ok, au Canada, réussir sa vie, c'est les papiers ». Donc je pense que c'est pour ça que je veux vraiment que tu continues et que tu me partages comment toi tu as ressenti les choses, parce que c'est différent. Cependant, et je pense que quelques personnes qui vont peut-être écouter ce podcast vont se retrouver dans ce que je vais dire, c'est que arriver au Canada et de vouloir devenir, maintenant tu le sais parce que tu es passé par cette démarche là, quand il y a un objectif de résidence permanente, ce qui est toujours mon cas. Notamment le stage, quand le stage se termine au bout de 3 mois, il faut faire une demande de renouvellement, donc t'as à peine terminé ton stage que t'es déjà dans une démarche de renouvellement. Quand t'as fait 6 mois, il faut faire un renouvellement pour 12 mois. Quand t'arrives au bout de 12 mois, on sait que ça passe extrêmement vite, déjà au bout de 8 mois il faut déjà envisager de faire une demande de jeune pro ou de PVT pour pouvoir faire 2 ans. Puis quand t'as enfin, tu vois ce que je veux dire, quand t'as sorti tête de l'eau rapport au PVT. Tu viens de me corriger, c'est vrai, je suis d'accord tout à fait d'accord. Mais juste une question, juste pour compléter. Je pense que c'est un peu différent quand même. Oui, mais juste pour compléter tout ça, mais tu as raison quand même. Mais pour compléter tout ça, et puis peut-être tu vas comprendre un peu plus mon idée, et tu vas ressentir plus cette idée. Est-ce que, par exemple, venir ici au Canada et puis finalement tu n'as pas eu tes papiers, est-ce que retourner en France, c'est considéré comme un échec pour toi? C'est différent. C'est pour ça que ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis, parce que j'étais pas parti avec la même démarche. Et moi, je ne quittais pas la France. J'allais juste voir un peu comment est la vie ailleurs, comme je le fais actuellement dans un autre continent. Donc, pour répondre à ta question, simplement non. Ouais, et pour continuer un petit peu avec une image, c'est que nous, déjà, pour répondre à ma question, moi, je dirais que c'est pour tout le monde. Tu vas voir, les Algériens, c'est un échec pour eux. Si tu veux vraiment tuer quelqu'un, c'est de lui dire que tu vas retourner en Algérie. Pour eux, c'est vraiment la réussite. Parce que tout le monde pense à la réussite des papiers et aider la famille. Tu comprends? C'est ça. Donc, on est dans cette démarche. Et puis, rajouter à ça, la France ou les Français, ils ont un passeport avec lequel ils peuvent voyager partout dans le monde. Par contre, l'Algérie, non. C'est ce qui rajoute de la frustration et de l'envie de sortir de l'Algérie. Tu comprends? C'est ça. C'est un propos un peu psychologique, psychosocial. Mais plus tu interdis à quelqu'un quelque chose, plus il aura envie de la faire. Est-ce que tu comprends un peu l'idée? C'est comme un enfant. C'est comme un enfant. Tu lui dis ne fais pas ça. Eh ben, tu viens de l'activer. Il va essayer de la faire par tous les moyens. Tu pointes du doigt un sujet qui me tient particulièrement à cœur. En tant que Français, maintenant j'en ai plus conscience. Je sais pas si c'est l'âge ou si c'est le voyage. En plus ça rime. Mais non, c'est un luxe incroyable que d'être français, notamment pour avoir le passeport français et d'avoir la possibilité de pouvoir, en tant que citoyen du monde, pouvoir se déplacer un peu partout sur la planète. Et j'en suis, à l'inverse, je continue à être ébahi et spectateur de cette vie où, sous prétexte que t'es pas né au bon endroit, au bon moment, ton passeport te donne pas l'opportunité de pouvoir aller partout un peu tu veux sur la planète. C'est pour moi quelque chose qui est abusé. Justement, dans un film peut-être que tu as déjà vu, le film Capharnaüm, un film libanais, franco-libanais, moi qui m'a peut-être Ah, qui m'a, je l'ai regardé il y a 6 mois à peu près. Il m'a pleinement touché. Et on pointe du doigt. C'est pour ça que quand tu dis, quand tu te définis comme, quand tu te présentes, pardon, comme citoyen de cette terre, pour moi, ça prend tout un sens. Tu ouais. n'imagines pas à quel point. Bref, j'ai pas envie qu'on parte un peu dans tous les sens, mais non, je me retrouve. Et vas-y, je te laisse continuer parce que justement, on était sur tes apprentissages un peu de cette expatriation dans un cadre qui est quand même totalement différent du mien. Donc là, si tu m'as posé la question, je me rappelle bien un peu. Qu'est-ce que j'ai appris dans la vie en allant en France et puis au Canada. Écoute, j'ai appris beaucoup de choses. J'étais un étudiant. J'ai vécu dans une famille. Tout le monde a eu son bac. Tout le monde a son diplôme. Sur ce point, j'ai pas beaucoup de choses. J'ai pas appris beaucoup de choses, mais c'est surtout, j'ai appris beaucoup de choses sur les personnes, sur une nouvelle mentalité, un nouveau fonctionnement administratif, je te donne un exemple, une nouvelle rigueur, un nouveau sérieux dans la vie. Exemple, en Algérie, à l'université, franchement, la rentrée des classes le 9 septembre, moi je rentre le 11 novembre, c'est quand je veux. Les exposés, c'est quand je veux. C'est vraiment tranquille. Je ne prenais pas des choses au sérieux. Donc en France, il faut respecter la date. Le 9 septembre, c'est le 9 septembre, et puis les travaux, ça commence vraiment vite. Des choses comme ça, c'est une nouvelle société, le fonctionnement d'une nouvelle société que je n'ai jamais vue organisée pendant la semaine, c'est travail ou études, et puis le week-end, c'est aller s'amuser, sortir, et puis se défouler. Elle est organisée comme ça. Quoi d'autre ? Un nouveau fonctionnement, par exemple, vraiment, je suis vraiment tolérant à un point. C'est incroyable, je me rappelle bien de ça. On ne me l'a pas dit à moi, mais je l'ai entendu dire. Je l'ai entendu dire par quelqu'un. C'est vraiment être gentil, vraiment, c'est dans mon cas, c'est mal vu. Ça, c'est vraiment, je l'ai senti. Mais d'un côté, c'est vrai, d'un côté, c'est non. Quoi d'autre ? Par contre, en France, je n'ai pas vraiment côtoyé des Français. Vraiment, vraiment. C'était juste, études, travail ou foot. Sinon, je suis resté avec quelques amis d'Algérie. Même les Algériens, je ne les ai pas vraiment, vraiment fréquentés. Il y avait des associations à Tours, à Orléans. Franchement, ça ne m'intéressait pas. Je reste chez moi. Je me suis acheté d'ailleurs la guitare en France. J'ai commencé à apprendre tout seul à la maison, la guitare. Ça ne m'intéresse pas d'aller parler sur tel ou tel sujet. Soit je lis, soit j'apprends la guitare. Mais ça m'a ouvert. Ça m'a fait progresser vraiment beaucoup sur ça. J'ai vu une nouvelle société. Bien organisé. Et... Je respecte un petit peu les délais, des choses. Vraiment propre. Attends, je vais te le dire là, juste comme ça. Je ne vais pas réfléchir, juste comme ça, sans réfléchir. Je vais te balancer des phrases comme ça, sans réfléchir. Bon, je peux te dire que c'est plus propre que chez moi. Je trouve ça vraiment beau, avec l'architecture vraiment très ancienne, avec les galets par terre et tout ça. Les quartiers, les beaux quartiers, les vieux quartiers propres, voilà par exemple. Et puis les gens un peu plus détendus. D'ailleurs, même ma tenue vestimentaire, je l'ai changée un peu en France. J'avais pris des souliers classiques et tout, comme au pays. Laisse tomber, je les ai complètement laissés de côté. Je me suis acheté quelque chose de plus détendu, plus léger, plus... tu comprends? Donc, à peu près ça, c'est beaucoup... voilà, à peu près dans ce sens-là. Mais je peux te dire que j'ai beaucoup, beaucoup progressé en France. Beaucoup. Humainement, niveau... tu dis au développement personnel, tu parles... Ouais, beaucoup plus ça. J'ai appris des choses. Mais à cause du stress permanent, il ne m'a pas laissé progresser encore plus. J'avais les possibilités de progresser encore plus vite que ça. Et beaucoup plus que ça. Et dis-moi, Hakim. Le stress de réussir, il m'a cassé les dents. Et le foot et le football, quand tu arrives en France, t'en as parlé un peu brièvement, parce que j'aimerais qu'on attaque aussi la partie où tu arrives au Canada, qu'on parle aussi, qu'on passe beaucoup, un peu plus, enfin qu'on passe un peu de temps aussi à parler de ta vision d'entraîneur de foot et ta vision d'enseignant, et comment tu arrives à mixer un peu comment tu transmets à travers ces compétences que tu développes dans ces deux domaines-là. Mais avant cela, de passer directement à cette nouvelle vie que tu as eue, justement, c'est comment un peu le foot quand tu arrives en France? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui te frappe? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu es content de retrouver? Voilà, c'est dans un cadre assez différent, même si je pense que ça doit se retrouver un peu entre la France et l'Algérie. Mais comment toi tu vis cette expérience? Au niveau foot, je pense que j'ai joué avec des excellents joueurs. J'ai pas beaucoup d'excellents joueurs. J'ai pas joué avec beaucoup d'excellents joueurs. Je pense que moi, je le faisais déjà quand j'étais. Si c'était en Algérie, j'aurais pas joué avec le niveau. Avec qui j'ai joué en France. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que plus tu joues dans un club et plus tu te sens bon, plus tu sens que les gens te pensent que tu es bon, tu vas acquérir une certaine fierté, un certain orgueil. Je ne sais pas si tu... Ça, c'est inévitable. De toute façon... Hein. Moi, quand je jouais dans le club, je peux même pas regarder les matchs du quartier. Pas possible. C'est pas mon niveau. Tu comprends? On a un peu cultivé cette mentalité. Et puis après, en France, quand je suis allé en France, j'ai pas cherché cette mentalité. C'est juste, j'ai cherché juste le fait de jouer, de m'amuser. Point final. Donc, pourquoi je raconte tout ça? C'est parce que j'ai pas cherché à jouer dans un club ou dans un niveau. L'essentiel, c'est de jouer. Par contre, j'ai joué avec des joueurs, des bons joueurs. Et de temps en temps, il y a des excellents joueurs. Là, on est sur quoi? Une compétition du dimanche? C'est quoi? C'est un match par semaine? Il y a des entraînements? Ça ressemble à quoi là? Non. Non, pendant toute la semaine, je travaille ou j'étudie. Après, samedi, dimanche, si c'est possible, samedi, dimanche, je joue samedi, dimanche. Sinon, une fois par semaine. Je joue une fois par semaine, soit dans un stade, sur un terrain de handball, avec du goudron, ou alors 11 contre 11 pour m'amuser et tout. Je joue comme ça. Et puis, de temps en temps, il y a des bons joueurs qui m'invitaient pour jouer contre telle ou telle ou telle équipe. On a besoin de toi, ok, pas de problème, dites-moi quand, où. Et voilà, j'ai joué comme ça. Mais je n'ai pas joué vraiment dans un club ou quelque chose comme ça, ou coaché ou entraîné. D'ailleurs, entraîné, je n'ai pas entraîné en Algérie, je n'ai pas entraîné aussi en France. J'ai fait juste que jouer. D'accord. J'ai été plus, juste pour être un peu plus précis, en Algérie, j'ai joué dans un club jusqu'au senior. 2 ans senior, j'ai laissé tomber, mais j'ai continué à m'entraîner dès que possible avec eux. J'ai continué à m'entraîner dès que possible avec eux. parce que je pouvais pas en même temps faire mes études, en même temps faire le foot. C'est très loin, c'est très cher pour moi. Et je suis allé en France. J'ai joué juste pour le plaisir, les samedis. Aucune pratique, aucun entraînement, rien, rien de tout ça. Et c'est tout, voilà. Donc, je jouais pour le plaisir. Hakim, alors, après quelques années, là, évidemment, je vais louper beaucoup de passages de ton expérience et on ne peut évidemment pas tout parcourir. Mais après quelques années, tu prends la direction du Canada. Il y a deux choses encore là, qui vont m'intéresser. C'est notamment encore cette expatriation et puis comment tu t'adaptes à un nouvel environnement, une nouvelle société. Mais c'est pas vraiment, même si on va commencer par là et puis après on enchaînera après sur justement ton expérience d'enseignant et ton expérience d'entraîneur. La première question que j'ai, c'est ça, c'est brièvement comment ça se passe un peu, qu'est-ce qui t'amène un peu au Canada, comment se passe un peu ton arrivée et ton adaptation sur le continent nord-américain et puis puis c'est ça, comment tu vis cette nouvelle expérience? Donc, en France, je me suis adapté, je me suis fait des amis. Et je me plains pas. Écoute, à Orléans, j'ai travaillé dans une usine de pain gelé. Et le patron de l'usine à Orléans, il ne voulait pas me lâcher. Il m'a dit, toi, c'est quand tu veux. Tu viens travailler avec ici, tu n'as même pas besoin de déposer ton CV. Pourquoi? Parce que j'ai fait un excellent travail sur sa machine, parce que chacun, il prend sa machine, il la nettoie. Pourquoi? Parce que c'était exceptionnel. Pourquoi? Parce que il voulait faire signer un autre partenaire, je ne sais pas, pour qu'il... Lui, il produit du pain gelé, il l'envoie, il le vend à une autre entreprise. Et donc, il a invité cette entreprise venir voir un peu l'hygiène de son usine. Et donc, moi, quand j'ai pris la machine, une grosse machine, c'était une grosse machine, une chaîne, et ils nous ont donné du produit pour la nettoyer, je l'ai nettoyée, elle était devenue W. Neuf. Le directeur, il descend, le patron, ils descendent tous pour voir, un peu inspecter. Ils s'arrêtent à cette machine, ils ont demandé c'est qui a fait ce travail. Ils ont dit que c'était Hakim. Il vient, il me serre la main, il me dit, tu sais, quand tu veux. Et grâce à ça, ils ont réussi à signer le partenariat. Ah, écoute, j'ai dit, parfait, c'est bon ça. Donc, moi, pourquoi je te raconte ça encore une fois? C'est parce que j'ai commencé à m'installer mentalement en France. J'ai beaucoup d'amis qui m'invitaient. Le restaurant chinois, mon ami, un gars, c'est un Alsacien. Les Alsaciens, ils nous ont dit, ils sont réputés d'être racistes, les Alsaciens. Et bien, avec moi, c'était non. Ils m'invitent. Écoute, il me dit, Kim, quand tu veux, on va aller essayer un restaurant chinois. Écoute, j'ai jamais payé, c'est lui qui payait à chaque fois. et donc, j'ai commencé à m'installer un petit peu mentalement. Et là, toujours on revient au problème qui coince. C'est les papiers. Pour rester en France, il faut avoir les papiers. Si ta carte de résidence, ta carte de séjour est expirée, tu ne peux pas travailler. Tu vas rajouter du stress à toi-même, à ta famille. Et le rêve de la réussite va être et devient un échec si tu retournes en Algérie. Tu vois un peu ça, il faut éviter ça. Et nous, on se mettait la pression comme ça, mentalement. Et puis, dans ma tête, je commence à m'installer en France. Mais malheureusement, les papiers, tu ne peux pas travailler. Et donc, j'ai fait des recherches. On nous a dit que, il y a une issue. au Canada, ils cherchent des travailleurs qualifiés, des étudiants, des choses comme ça. Et donc, moi, j'ai fait le dossier, j'ai déposé le dossier ici au Canada. Est-ce que c'était un choix? C'était pas un choix, encore une fois. C'était même pas... et ça, d'ailleurs, je vais te raconter une anecdote. J'étais en Algérie, à l'université. C'était la dernière année, la quatrième année. Je me suis assis dans un autobus. Et puis, hop, il y a une fille qui était dans la même classe que moi. Elle est venue s'asseoir avec moi. C'était le mois de juin, la fin de l'année, c'est fini et tout. Elle m'a dit, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'enseigner ici en Algérie, ou qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, écoute-moi bien. Comme ça, j'ai même pas réfléchi. J'ai dit, je vais aller en France et je finirai au Canada. Écoute, et ben voilà, c'est ce qui s'est passé. Et là, j'ai déposé le dossier. Et là aussi, le dossier, écoute, ça m'a coûté à peu près, pour pas exagérer, à peu près 2000 euros, à peu près. 2000 euros. Entre la visite médicale, l'attente et tout ça. Donc, presque 2 ans, presque 18 mois. J'ai attendu presque 18 mois, et puis il faut aller à Paris pour passer les tests, les analyses d'urine, et payer un médecin, une visite médicale de la tête jusqu'aux orteils. S'il y a une cicatrice, où est-ce que tu t'es fait cette cicatrice? Est-ce que tu as des maladies chroniques? Tu sais à peu près qu'est-ce que ça... Là, tu sais à peu près qu'est-ce que ça donne pour le Canada. Et puis finalement, j'ai été accepté. Entretien, c'est l'entretien à l'ambassade canadienne. J'ai fait l'entretien. On m'a dit bravo, tu as réussi. C'est des gens comme toi qu'on a besoin, des gens comme toi. Ah, c'est parfait alors. Et est-ce que c'était un choix? Non, c'était pas un choix parce que, comme je t'ai raconté tout à l'heure, je commençais à m'installer en France et puis j'adore l'infrastructure européenne. Je déteste les grands bâtiments, les gratte-ciels. Moi, j'aime pas ça. Et le 22 février 2011, j'arrive. C'était le froid total. En plein hiver. Oh, punaise, les camions. La première chose que j'ai vue, tu vois, les semi-remorques, les camions, les grands camions. Ici, ils ont un nez, ils ont une gueule. Chez moi ou en France, je pense qu'ils n'ont pas de ce genre de truc-là. C'est juste direct comme ça. Il n'y a pas de gueule. Ils ont pas de... Là, j'ai vu que tout était blanc. Puis, et puis, c'était très, très froid. À ce moment-là, dans l'avion et puis dans l'autobus, aussi, je me disais, peut-être je vais avoir juste mes papiers ici à retourner en France. Je pense que ça va être comme ça. Mais il faut... Des rêves comme ça, j'ai rêvé. Mais voilà, je suis au Canada, comme moi j'ai vraiment, je m'adapte très très facilement. J'ai commencé à m'adapter ici au Canada, et voilà, c'est fini. Maintenant, si tu me dis, est-ce que tu veux retourner en France, je te dirai non. C'est question d'adaptation, c'est fini. Je peux retourner en Europe, par exemple, ou en France, peu importe, parce que c'est proche de l'Algérie, pour aller faire des tours comme ça. Mais sinon, à part ça, je me sens bien ici. Je me sens vraiment bien. Je me suis adapté. J'ai quand même... je m'entends bien avec les gens d'ici. J'ai aucun problème là-dessus. Donc, voilà. Tu penses que tu t'es adapté plus vite? Tu penses que tu t'es adapté plus vite au Canada grâce à ton expérience en France ou non? C'est juste parce que la culture est différente et donc au Canada ça a été plus simple ou ton arrivée a été plus simple parce que les papiers étaient déjà faits Non, je vais te dire quelque chose. Quand j'étais en Algérie, la France, on a été colonisé. Un siècle et 32 ans, le système à peu près, On a les chaînes françaises, j'aurais pas de difficulté à m'adapter. J'arrive en France, mon ami, un choc culturel, choc linguistique, choc administratif, choc de tout. Et puis, comme moi, je m'adapte, j'ai pas de problème, j'ai pas de faiblesse mentale. Donc, je me suis adapté à cette situation, à cet environnement. J'ai vécu 4 ans et demi en France. Après, j'ai été accepté au Canada. Je me suis dit, oh, la France, le Canada, c'est la même chose. C'est des pays développés. Et puis, en plus, le Québec, ça parle français et tout. J'arrive ici au Québec, au Canada, un autre choc culturel, un autre choc linguistique, un autre choc administratif. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, après, est-ce que c'est grâce à mon expérience en France? Non, c'est grâce à ce que je porte dans ma tête. Comme c'est grâce à mon expérience partout. Tu comprends? En Algérie, et je te dirais aussi en France. Parce que la France, ça m'a rapproché un petit peu du niveau du Québec. Imagine, Algérie, Québec, ou Canada, c'est vraiment beaucoup quand même. C'est un choc, vraiment, un énorme choc. Mais la France, ça m'a aidé à comprendre un petit peu la société développée, parce que les sociétés capitalistes, ils se rapprochent quand même. Ils se rapprochent dans le fonctionnement. Même si culturellement, c'est pas la même chose, mais au niveau économique et puis... au niveau, voilà, tout ça, c'est à peu près, ils se rapprochent, même si c'est pas la même chose, mais parce qu'il y a le capitalisme féroce américain, mais il y a le capitalisme modéré européen, on va dire ça comme ça. Mais ça m'a aidé, oui, pour répondre à ta question, oui, ça m'a aidé de m'insérer ici au Québec. Bon, dis-nous, Hakim, maintenant, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu fais, à quoi ressemble ta vie maintenant, et puis on va surtout retourner dans la partie un peu football, un peu, quels sont les rôles que, ouais, c'est ça, qu'est-ce que tu fais actuellement, et puis notamment dans la partie éventuellement dans l'enseignement, mais surtout dans la partie football. Ça n'a pas été facile au début, évidemment, hein. Donc on a réussi à avoir, j'ai réussi à avoir le diplôme Master 2 en France. Je suis venu avec ici, et puis ça n'a pas été facile. Je ne connaissais pas vraiment bien les rouages de la société canadienne et tout. Et donc, je suis resté à errer un petit peu. J'ai été accepté, presque accepté, on va dire. Accepté pour une thèse à Ottawa. Et puis, ça m'a pris beaucoup de temps pour aller. Ils me disent, il faut, on n'a pas compris. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas compris les relevés de notes français. Je me suis dit, ils sont sérieux ou quoi? Ils ont compris les relevés de notes algériens, mais pas français. Ok, pas de problème. Donc, je suis resté 8 mois à attendre un petit peu la réponse. Mais à ce moment-là, 8 mois, moi, j'avais besoin de travailler. Hein. Donc, j'ai cherché un petit peu à gauche, à droite. Par contre, j'ai travaillé en France, donc j'ai ramené de l'argent. Tu ne peux pas venir ici. Il faut justifier une somme avant de rentrer ici au Canada. Je ne sais pas si pour vous, mais pour moi, oui. Avant de rentrer ici au Canada, il faut justifier une somme. C'est la même chose. Donc, j'avais de l'argent avec moi. Hein. J'avais de l'argent avec moi. Et voilà, donc j'ai essayé de chercher un petit peu pour travailler avec mon diplôme, expliquer qu'il faut faire des équivalences. Ok, d'accord, j'ai fait mes équivalences. Et puis après, au bout d'un moment, ça prend du temps. Au bout d'un moment, on t'écrit en bas du papier. C'est considéré comme... Non, c'est une équivalence des diplômes, mais ce n'est pas considéré comme un diplôme. Donc, je ne peux pas travailler avec. Je peux faire seulement des remplacements. J'ai commencé par des remplacements. Faire des remplacements. En 2012, je pense, après, j'ai pris un ballon. Je suis allé jouer un petit peu. Thomas ? Ouais, je t'entends. Ok. Ouais. J'ai pris un ballon pour aller juste m'amuser un petit peu à Luco. Et j'ai croisé un gars avec sa petite fille. Je sais pas, il lui prend des photos, elle joue au foot. Et puis il vient, il s'approche de moi, il me dit, ah, tu joues. Ah oui. Il me dit, ma fille, elle joue à l'ASH. Ah oui, ok. Il me dit, si tu veux, je peux te donner l'email de l'association parce qu'ils ont besoin d'entraîneurs. Ils cherchent des entraîneurs. Et là, il me donne ça. Et j'ai contacté mes amis de l'ASH. Et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec eux. Et là, il y a toute une... j'ai changé un petit peu de chemin. J'ai fait mes diplômes en foot, le DEP, le S1, S2. Et puis, plus tu avances dans ça, plus tu penses que tu vas faire carrière ou avoir un salaire dans tout ça. Donc, on a essayé de chercher de recruter par là. En même temps, en parallèle aussi, j'ai déposé un dossier à comment ils disent ça ici ? Pôle emploi, un truc du genre. Pôle emploi, c'est en France. Ici pour aider les immigrants à trouver du travail et tout. Moi, je l'ai fait. J'ai fait juste pour suivre la procédure, tu comprends ? La procédure, comme quoi, là, je cherche et tout ça. Hein. Et puis, à chaque fois... Ils m'ont pas bien orienté, par contre. C'est que maintenant que je sais que si je veux avoir un travail permanent, il faut passer le diplôme canadien. Mais avant, ils m'ont pas bien orienté. J'ai fait les CV et tout. J'ai déposé partout. J'ai fait mon travail, voilà, la procédure. Et à ce moment-là, je commence à m'essouffler. Peu de temps après, j'ai trouvé du travail. Du coup, ouais. Non, bah ça. J'ai trouvé du travail. Ouais. Ça m'étonne pas trop. Ouais. Mais ouais, non, je. Mais vas-y, c'était quoi ce travail ? Du coup, t'as trouvé dans quoi ? Ah ouais, c'était quoi ? Après c'était justement c'est les équivalences. On parlait d'équivalences. Et j'ai pas été vraiment orienté. Et puis le foot, j'ai commencé après à passer à me convaincre de peut-être d'avoir un salaire grâce au foot et tout. Et puis, j'ai fait mes diplômes DEP, S1, S2, S3. J'ai commencé à un peu à m'infiltrer à l'intérieur de l'organisation du foot sur l'Outaouais. J'ai commencé avec l'ASH et tout. J'étais content à 3 000 $ pour l'été, pour le contrat et tout ça. Donc ça m'a dépanné, ça. En plus, moi je suis pas quelqu'un de, je suis pas un dépensier, je mange pas dans des restaurants, je bois pas, je fume pas, vraiment c'est vraiment simple, ma vie est vraiment très simple et j'essaie pas de le faire parce que j'ai pas d'argent, c'est juste comme ça, je suis comme ça. Et donc à ce moment-là j'ai commencé à suivre un petit peu le foot. Donc je travaille un peu partout, comme entraîneur, comme responsable, technicien et tout ça. Et comme à chaque fois, sport-études, sélection régionale, et comme à chaque fois, mes principes et leurs principes ne collaient pas, et c'est toujours le résultat est le même. Donc 2 moins 3 moins 2 égale 1. Si tu veux avoir un 2, il faut mettre 4 moins 2 pour avoir un 2. Mais moi, je suis resté le même. Et eux, ils sont restés les mêmes. Donc, c'est pour ça, le résultat est à chaque fois le même. Donc, je me suis dit, on laisse tomber, avec mon caractère d'ailleurs. C'est moi qui ai laissé tomber, sachant que j'avais aucun revenu. Et j'ai continué à travailler jusqu'à la création de l'académie. Et en 2018, l'été, je pense, l'été août 2018. Oui, je pense, si je ne me trompe pas, août 2018. Oui, exactement. C'était le dernier jour des camps. C'était l'avant-dernier jour, plutôt, le jeudi. Jeudi, je reçois, parce que je faisais en même temps des remplacements dans des écoles, plusieurs écoles. À chaque fois, on m'appelle pour une heure, je dis oui. Pour une heure, juste le matin, 8h, 9h, je dis oui. Et là, ils se sont dit, ce mec, il est vraiment sérieux. Il refuse rien. Il refuse 30 minutes, il vient. Pour 30 minutes, je dis oui. Et août 2018, la dernière semaine, je pense, un jeudi, parce que je me rappelle, c'était l'avant-dernier jour, à la fin des camps d'été. Et il y a l'ACDV qui m'appelle, là où je travaille en ce moment. Hakim, est-ce que tu es intéressé par un poste? Je dis, quoi? Répète, s'il te plaît. Il me dit, est-ce que tu es intéressé par un poste? C'était la secrétaire qui m'appelle. Oh ben oui, je dis oui. Écoute, il me dit, écoute, je vais te passer le directeur. Tu vas lui parler. Elle me passe le directeur. Le directeur, il me dit, est-ce que tu es intéressé? Je dis oui. Il me dit, par contre, c'est pour toute l'année. Et dans ma tête, je me suis dit, mais justement, c'est ce qu'il voulait, moi. Vas-y, balance. Il me dit, oui, pour toute l'année. Je dis oui, je le prends. Il me dit, tu viens demain. Et non, il me dit, est-ce que tu viens... Je lui dis, ah oui, c'est moi qui lui pose la question. Je lui dis, est-ce que vous fermez à quelle heure? Il me dit, à 4 heures. Je lui dis, j'arrive tout de suite. Il me dit, ah, dommage, il faut que j'aille dans 10 minutes. Donc, si on peut se voir demain. Je lui dis, ok, demain, à quelle heure? Il me dit, à 8 heures du matin. Je lui dis... À 8h moins 10, je serai là. Et donc, voilà, il me dit, le poste est à toi. Tu auras une classe d'accueil. Il m'explique les choses. Pas de problème. Oh, et puis, il me présente au reste des enseignants, du personnel. Voilà, déjà, j'ai remplacé plusieurs fois, donc il y en a qui me connaissent de vue comme ça. Est-il le bienvenu? Voilà. Et c'est à ce moment-là, c'est le mois d'août, au mois d'août de 2018, que les anges ont intervenu. Ils interviennent tout le temps. Dis-moi, je vais t'interrompre un peu. Ça va, Hakim? T'as encore un peu de temps là? Ouais, vas-y. Là, j'avoue que la partie foot commence à m'intéresser. Enfin, là, j'aimerais bien replonger un peu dans la partie foot. T'as parlé de la création de cette académie. J'en ai déjà parlé avec Anthony, donc c'est pas trop ça dont j'ai envie de parler, mais c'est surtout ton rôle au sein de l'académie. Quel est vraiment au sein de cette académie? Déjà présente pour ceux peut-être qui connaissent pas. C'est quoi cette académie? Mais très brièvement, parce que dans le podcast numéro 2, Anthony, on rentre très très bien en détail dans cette académie, parce que toi, Hakim et Anthony de Lyon, vous travaillez ensemble conjointement. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est quel est ton rôle au sein de cette académie? Et je sais notamment que tu interviens énormément avec les jeunes, et c'est là où j'ai énormément de questions à te poser. Comme tu le sais, on a amené à régulièrement en discuter. Mais je te laisse présenter déjà dans un premier temps ton rôle, et puis ensuite, j'aurai probablement quelques questions pour toi à ce niveau-là, et sûrement... de faire les liens aussi entre l'enseignant que tu es, pardon, que tu deviens, et l'entraîneur que tu et le poste d'entraîneur que tu occupes au sein de cette académie. Je suis le cofondateur de l'Académie Vision Soccer. Et moi, je... Donc là, on est à Gatineau, au Canada. Exactement, à Gatineau, au Canada. Et puis, je suis vraiment capable de m'occuper de l'administratif comme du technique, donc dans toute la gestion. Mais moi, je préfère beaucoup plus. J'aime pas cette monotonie, cette organisation administrative. Moi, j'aime pas l'organisation administrative. Ce que j'aime plus, c'est l'intervention sur l'enfant. Bah, ça tombe bien, c'est exactement ce dont je veux qu'on parle. Donc, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est l'enfant. Ce n'est pas l'organisation. Ça, l'organisation administrative, tout ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Je suis vraiment facilement capable de m'occuper de ça et de m'organiser par rapport à ça. Mais et aussi, il faut que tu saches que moi, je suis pas quelqu'un. Ma mentalité, je ne suis pas quelqu'un qui va faire, par exemple, vendre un produit. Parce que vendre un produit, il y a beaucoup de, il y a des qualités, et moi, j'appelle pas ça des qualités, parce qu'il y a beaucoup de choses un peu vicieuses à mélanger pour arriver à tes fins, pour atteindre ton chiffre. Je ne veux pas entrer dans tout ça. Je n'aime pas ça. C'est pour ça que je m'éloigne de ça. Parce que tout ce qui est marketing, tout ce qui est publicité, tout ce qui est atteinte de chiffres et tout ça, ça implique aussi de l'opportunisme. Et ça, je n'aime pas tout ça. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'enfant. C'est l'innocence. Pourquoi ? Parce que finalement, ce n'est pas un hasard si je travaille à l'école avec des enfants. Et puis, écoute, ce n'est pas mon choix, encore une fois, tu imagines ? Est-ce que tu imagines ça ? Ce n'est même pas mon choix. Je n'ai même pas rêvé un jour d'entraîner des jeunes. Est-ce que tu imagines ça ? Donc, ça veut dire que c'est le destin. 99%, là, je viens de rajouter le pourcentage. 99%, je suis convaincu, c'était... Là, ma place. C'est là, ma place. J'ai été guidé à ce que je sois à cette place-là. Donc, ça veut dire que l'enfant... Pourquoi je suis plus intéressé par l'enfant? C'est pour lui transmettre non seulement le savoir jouer, aussi le bonheur, le plaisir surtout de jouer. C'est ça qu'il faut. Et que les gens, en fait, ma mission, c'est même pas ça. Ça se résume pas seulement au foot. Le foot, c'est inexistant devant cette tâche qui est de procurer du plaisir et du bonheur pour l'enfant. Le bonheur, il a existé au moment où cette lumière, cette énergie a existé. Parce que la lumière, c'est le bonheur, c'est le plaisir, c'est l'amour et tout ça. Mais le foot, c'est les gens qui l'ont créé. C'est les personnes qui l'ont créé. Moi, j'en profite pour qu'à travers ce sport, transmettre ces valeurs. Ces valeurs que, en 2020, les gens ont tendance à mettre de côté, à oublier, à monnayer contre... des choses insignifiantes. Voilà. Je te parle vraiment le fond. Pourquoi j'ai été guidé à faire ça et comment je sens le foot. Je le sens pas comme du foot. Je le sens comme un moyen de transmettre. Tu comprends? C'est même pas mon rêve. Le foot, j'ai joué dans un club. C'était pas mon rêve de jouer dans ce club-là. C'était pas mon rêve. C'était juste la situation, grâce à ce que j'ai proposé à ces gens-là et à cette société. Et j'ai été guidé sur ce chemin. C'est pour ça que tout ce qui est administratif, tout ce qui est où il y a le gain de je sais pas moi, de l'histoire de chiffres, d'atteinte de chiffres et tout ça, des objectifs, je sais qu'il y a, quelque chose qui est mélangé, qui n'est pas sain, qui est malsain. Et si on le banalise, ouais, c'est normal, c'est comme ça qu'on atteint les chiffres, c'est ça le capitalisme. Moi, je n'aime pas ça. Donc, c'est pour ça que j'ai senti, je n'ai pas choisi, j'ai senti que ma place est dans, est avec les enfants. Imagine, à l'école, il y a des élèves que le matin, ils se lèvent, déjà, ils sont découragés. Ils sont découragés d'aller à l'école. Pourquoi ? Parce que peut-être l'enseignant, il sait pas, il n'a pas une bonne pédagogie de travail. Il lui crie dessus, il le harcèle, ou peu importe, peu importe. Mais moi, si tu me dis, qu'est-ce que tu as donné à tes élèves ? Ben, je vais te le dire, je leur ai donné la joie de venir à l'école et de travailler. La joie et le bonheur de vivre dans un milieu sécuritaire, de s'amuser. Ils ont fait que s'amuser tout en leur transmettant des connaissances. D'accord, comment on fait là, Hakim ? Vas-y, tu dis, c'est quoi une bonne pédagogie selon toi ? Et justement, comment toi tu t'y prends ? Comment toi tu fais pour donner ce goût aux enfants ? Comment toi tu t'y prends ? Parce que là, on parle dans un niveau, le niveau vraiment... comment dire, au niveau du système, là, le système, ils nous ont mis dans ce moule. Là, on parle de ce moule. Parce qu'en réalité, l'enfant, est-ce que tu penses que l'enfant, il a besoin, par exemple, de savoir que, de connaître la conjugaison par cœur? Un enfant, je peux aussi l'envoyer, faire, moi, je peux couper du bois, et puis jouer, et puis, je ne sais pas, mettre dans la forêt ou tout seul. C'est un apprentissage, ça aussi. C'est un apprentissage. Mais l'enfant, on l'oblige à venir à l'école, et puis on lui dit, tu es obligé d'apprendre ça, sinon tu vas échouer dans ta vie. Ben, c'est faux. C'est faux, ça. C'est pas tout. Et il y a des médecins qui... Pour moi, on a déjà discuté, ça n'existe pas la réussite ou l'échec. Il y a une progression dans la vie et chacun a son rythme. Celui qui a grandi dans une forêt, il a appris à couper du bois, il a appris à faire tout ça. Donc, il a appris dans la vie quelque chose. Il a appris à couper du bois. Il a appris à se déplacer dans la forêt. Il a appris. Tu comprends ? Donc, il n'était pas en échec. Il n'a pas échoué. Maintenant, on nous a créé. C'est Charlemagne, en plus, qui a créé l'école. Charlemagne qui a créé l'école. Ben, tant mieux. Mais ce n'est pas un modèle absolu. De transmettre la connaissance. Va voir en Finlande, le matin, études, l'après-midi, va jouer. Fais du sport ou fais autre chose que des études. Et il y a des écoles au Japon, tout le monde, des écoles au Japon, le groupe, il est en plein air. Et le prof, il commence à transmettre la connaissance. Eh ben, il y a des élèves, par exemple, ils ne sont pas intéressés. Ils se lèvent, ils jouent ailleurs, dans les toboggans, où ils font autre chose que ce que, au lieu d'écouter le prof. C'est ça, la liberté. Il ne faut pas mettre quelqu'un dans un cadre. C'est comme au foot. Là, on revient au foot. Je suis entraîneur, ancien joueur. Inconsciemment, quand on voit un bon joueur, on essaye de lui dire quoi faire. Pourquoi ? Parce que tu veux qu'il soit comme toi. C'est faux. Laisse-le. Ne l'encadre pas. Suis-le. peut-être il sera meilleur que toi. Donc ne lui dis pas ce qu'il doit faire. Moi, je prends un gars, Ibrahim, on a déjà parlé de ça. Je lui dis pas, fais un crochet, fais un centre. Je lui parle très, très rarement sur le terrain. Je le laisse. Au moment où il trouve des difficultés, je l'aide. Je le laisse même à affronter ces difficultés. Si je vois qu'il bloque, je l'aide à débloquer ça. Je lui donne même pas la solution. Si je vois que ça devient un peu difficile pour lui, j'essaie de lui donner la solution indirectement. Il faut qu'il y ait de la liberté. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je suis tombé avec une fille. À l'école, on m'a envoyé une fille, on m'a dit qu'elle est en difficulté. Elle a un TDAH. Déficit d'attention. D'accord. Cette fille, elle n'a pas de filtre. Elle dit ce qu'elle veut. Est-ce que c'est un problème, ça? C'est pas un problème. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle dit, ses propos, ils sont pas vulgaires. Et elle vient en tant que directeur, elle voit le directeur, elle court vers lui, elle lui serre la main, elle lui pose des questions. Salut monsieur, est-ce que ça va? Et tout le monde trouve ça bizarre. Mais est-ce que c'est bizarre, ça? C'est faux. Ce n'est pas bizarre. C'est normal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les TES? Les TES, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que cette fille a des problèmes psychologiques. Ils ont mis cette fille dans ma classe. Et tout d'un coup, elle s'est calmée. Parce que, pourquoi? Parce que je lui explique les choses. Au début, elle, dans l'école, dans le couloir, elle parle à haute voix. Mais je l'ai pris, je lui ai expliqué. Je dis comme quoi, ici, le couloir, il faut juste expliquer les notions, la mettre dans un contexte, de lui dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce qu'il ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Et puis tout d'un coup, elle est devenue comme tout le monde. Tu comprends un petit peu la situation, c'est que j'arrive pas à trouver le bon mot, mais on met les gens dans des cases. Ça, lui, dès qu'on le voit, on le juge. Ah, lui, il est comme ça. Donc, on le voit, on le juge, il est comme ça. En gros, qu'est-ce que je voulais te dire, c'est que moi, j'ai été plus intéressé par la personne. L'enfant. Pourquoi? Parce que on peut changer la trajectoire d'une personne en étant bon avec lui, en étant bon avec la personne. Tu comprends? Par exemple, il est sur un chemin, un enfant, il est sur un chemin parce qu'il a été guidé sur ce chemin. Et puis, il arrive un jour que quelqu'un y croise le chemin d'une bonne personne, et à ce moment-là, elle change complètement d'avis, et donc elle change de chemin. Un enfant, au lieu de le laisser avec une personne qui va l'influencer mal, tu le prends, tu lui apprends des choses, et dans un milieu de joie et de bonheur et de plaisir. Et tout le monde, de toute façon, grâce à cette pédagogie, il aimera le soccer toute sa vie. Parce qu'il s'est retrouvé. Il aime ça. Peut-être qu'il ne va pas aimer le foot parce qu'il aime le foot. Mais il va aimer le foot parce que tu l'as transmis, cet amour du foot. Parce qu'il y en a qui viennent, ils sont déjà amoureux du foot. Ils aiment déjà le foot. Mais il y en a que il faut que tu leur transmettes l'amour du foot. En gros, moi, je suis plus attiré par le sujet, par l'enfant, parce que je pense que C'est à travers le foot qu'on transmet des choses. Et dans ma tête, de toute façon, moi le foot, c'est un moyen pour aider l'enfant. C'est même pas le foot. Parce que j'ai réussi à enlever beaucoup de ces soi-disant valeurs que notre société, avec lesquelles notre société nous guide ou nous tient. Exemple, pourquoi? Parce que la société, les valeurs, c'est quoi? Exemple, le foot, moi, je ne suis pas les résultats du foot, moi, par exemple. Avant, un mordu du foot. Il faut savoir c'est qui a fait ça, c'est qui est premier dans ce championnat, c'est qui. Je m'en fous carrément. Au bout d'un moment, j'ai suivi Barcelone. C'était par rapport au beau jeu qu'elle proposait. C'était ma façon de voir le foot. C'est comme ça que j'aime le foot. Et comme par hasard, ça tombe sur le même style de jeu que moi, je pense. Et je les ai suivis parce qu'ils offrent du beau spectacle. Et à la fin, ils te mettent des buts. Sinon, je m'en foutais complètement du foot. T'imagines, quelqu'un comme moi qui devient comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais si, c'est possible. Parce que j'ai trouvé une autre voie. Et d'ailleurs, si tu veux que je rebondisse un petit peu sur force et honneur, moi, je reconnais pas l'honneur. Maintenant, avant, oui. Mais maintenant, ça ne me dit rien. Dans le foot actuel? Non, en général maintenant. Mmh. Honneur ou fierté, honneur et tout ça. Au moment où tu délaisses ces sentiments, à ce moment-là, tu deviens petit à petit le citoyen du monde. Plus tu es fier, plus tu es orgueilleux, plus tu deviens quelqu'un dans cette terre. Sur cette terre. Quelqu'un, ça veut dire que fier d'être français, fier d'être algérien, fier d'être canadien, des choses comme ça. Plus tu délaisses, tu laisses tomber ça, plus tu deviens citoyen du monde. T'as pas de frontières. Toi, est-ce que toi, tu veux qu'on te mette dans une chambre et qu'on te dise que, voilà, tu restes ici? Non, je ne veux pas de ça. Donc, je ne veux pas de limite pour moi. Dis-moi. C'est pour ça que. Ouais. C'est, tu deviens comme un citoyen du monde. Voilà. Au lieu de rester algérien ou français. Pourquoi juste deux secondes. Pourquoi tu veux me mettre dans. Pourquoi tu veux me coller l'étiquette d'être algérien. Et moi, je veux être un citoyen du monde. Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre comme je le vois, comme je le sens. Non, je ne suis pas algérien. Moi, je suis citoyen, c'est mieux, non? Qu'est-ce qu'on te donne là? Ah non, tu me cloîtres dans un pays comme ça, toi tu es là. Non, je ne suis pas là, je suis partout, moi. Et c'est la réalité, c'est vrai, je suis partout. Je n'ai pas besoin d'être quelque part. Dans ma tête, je suis partout. Vas-y, balance tes questions. Je ne sais pas si t'as aidé, si ça t'a aidé, mais... Et comment, mais elle est venue cette évidence que maintenant, tu es un citoyen du monde? J'imagine que ça... Tu sais, quand tu étais plus jeune, ce n'était pas le cas, mais pourquoi maintenant tu es persuadé de cette évidence-là? Ça vient d'où? Ils nous ont perturbés quand on était petit, avec l'hymne national, avec la fierté, avec être fier. Ils nous ont perturbés par ça. D'ailleurs, si tu es fier d'être français, j'arrive, je te dis, moi je suis algérien, inconsciemment tu vas penser, eh ben moi aussi je suis français. Ou le contraire, ou l'inverse. Tu comprends? Tu piques la fierté de l'autre. Et qu'est-ce que ça donne? Quand on se pique entre fierté, ça donne division. Ça donne toi, tu es comme ça, moi, je suis comme ça. Alors que normalement, il n'y a rien de toi ou de moi. Il y a juste des bonnes personnes ou des mauvaises. Dans la vie, il y a le bon et le mauvais. Point final. Il n'y a pas de... Pour moi. Ça, c'est juste rajouter ça. T'imagines s'il n'y avait pas les frontières entre la France, l'Espagne et puis l'Afrique et tout ça. On serait déplacé librement partout, sans passeport, sans... Parce que si, par exemple, j'habite en Algérie, et tu me dis, tu peux aller où tu veux. J'ai grandi en Algérie. J'allais visiter l'Europe et j'y retournerai en Algérie, de toute façon. Mais au moment où tu me dis, tu es algérien, tu restes en Algérie, tu ne peux pas sortir de l'Algérie, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Eh bien, écoute, tout de suite, c'est sûr que je ne resterai pas en Algérie. Même si j'ai envie de rester en Algérie, ben, tu me dis que tu es, eh ben, je ferai le contraire. J'irai en Somalie, mais je ne resterai pas en Algérie. Voilà, ça crée un petit peu une opposition. Une opposition et puis un entêtement, voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Hakim, on a beaucoup divergé. Tu te doutes que je t'ai pas arrêté parce que moi ça m'intéresse beaucoup, mais néanmoins on est un peu parti dans tous les sens là. Moi j'aimerais revenir à ton expérience d'entraîneur. J'aimerais vraiment qu'on se concentre là sur l'aspect un peu foot et que tu me... En gros, en présentant brièvement, bah, tu as parlé de la partie administrative et tout qui t'intéresse un peu moins. Toi, c'est surtout la partie interaction. À quoi ça ressemble une saison à Vision Soccer de ton point de... Enfin, c'est la question que je te pose. Ouais, c'est à quoi ça ressemble une saison à Vision Soccer, et puis comment toi tu t'organises pour planifier une saison, et puis on va partir comme ça, ouais, à quoi ça ressemble une saison à Vision Soccer, et puis toi comment tu t'organises justement pour planifier une saison dans votre académie. Ouais, juste pour on n'est pas sorti, on n'était pas allé un peu partout, hein, dans tous les sens, mais c'est vraiment, ça a un lien vraiment, oui, un petit peu peut-être, mais c'est vraiment, ça a un lien avec mon choix ou mon destin, qui est d'aller dans le sens de choisir un petit peu l'enfant que l'administratif ou les côtés administratifs. Maintenant, comment on a préparé la saison, pour te dire, pour être franc, c'est... On n'a pas vraiment planifié si on parle de technique, ok, de saison, tu parles de saison. On s'est adapté beaucoup plus aux inscriptions parce que on n'avait pas le potentiel ou assez de jeunes pour planifier quoi que ce soit. On a essayé de s'adapter à... Comment dire, au début de l'ouverture de l'inauguration de l'académie, on n'avait pas beaucoup de monde, donc on n'a pas vraiment préparé de programme ou quoi que ce soit. On s'est adapté aux jeunes et au fur et à mesure, on crée des exercices. Je ne sais pas si tu parles de programme technique ou administratif ou c'est tout de tout. Partie technique, ouais, vraiment uniquement la technique. Partie technique, ouais. Technique. Dans le côté administratif, on a essayé du mieux qu'on pouvait de s'organiser, mais c'était pas vraiment le top. La première année, la deuxième et même la troisième année, mais ces derniers temps, cette année, on est vraiment beaucoup mieux structuré au niveau administratif. Au niveau technique, on n'a pas mis en place un programme technique, peut-être écrit par exemple, comme ça, manuscrit. On n'a pas mis exactement, mais moi j'ai une logique dans ma tête, le programme technique dans ma tête, c'est de formateur, donc j'essaie de préparer des exercices à ce niveau, j'ai écrit beaucoup d'exercices d'ailleurs, de toute façon, un super particulier, mais j'ai pas mis un objectif allant à court terme ou des choses comme ça. On a voulu plus attirer du monde à ce moment-là. Mais maintenant, comme on a du monde, c'est pour ça qu'on a déjà discuté, c'est pour ça que je suis en train de préparer un petit peu un programme technique bien défini avec, avec des objectifs à court, à moyen et à long terme. Mais sinon, avant, pour être honnête, on n'a pas vraiment préparé un programme technique. On s'est adapté au nombre des jeunes qu'on avait. Et puis les jeunes, ce n'est pas des jeunes qui ont le même niveau. Le niveau il n'est pas homogène, il est un peu déséquilibré. Tu peux avoir des meilleurs comme des mauvais joueurs dans la même équipe. Donc on a essayé soi-disant de cibler les meilleurs joueurs et puis de les coacher, mais ce n'était pas évident. On manquait de compétition. Donc les parents et les jeunes, ils veulent de la compétition, donc ils s'inscrivent ailleurs. Ils s'essayent avec nous. Ils trouvent que la structure, la pédagogie et la qualité du travail, ils trouvent que c'est vraiment, ils sont satisfaits avec nous. Mais sauf qu'on manque de compétition. Donc à chaque fois, on essaye de tenir quelque chose, une équipe. Et puis tout d'un coup, il y a des joueurs qui partent à gauche, à droite. Donc pour le moment, pour être franc, on n'a pas vraiment préparé un programme technique. On a fait que s'adapter à ce qu'on a comme jeune. Par contre, là, en ce moment, je suis en train de préparer un programme technique pour plus tard, parce qu'on grandit petit à petit. Bah vas-y, quelles sont les choses qui vous semblent essentielles? Qu'est-ce qui te semble, toi, essentiel quand tu commences une saison avec les jeunes? Ils ont à peu près, je pense, 10, 20 séances dans une saison, que ce soit... On sait qu'au Canada, bah, les saisons, elles sont coupées, donc il y a des saisons d'hiver, des saisons d'été, même vous avez, il me semble, incorporé des saisons au printemps. Mais quand tu pars sur une saison, sur une période de l'année, avec... Son contexte particulier, en hiver plutôt à l'intérieur, l'été plutôt à l'extérieur. Comment tu t'organises? Comment tu t'organises pour établir ces 20 séances que vous allez faire, ces 20, ces 10, ces 30 séances? Quel est l'objectif un peu que vous vous fixez à la fin des séances? Comment du coup tu organises tes premières séances? Quels sont les aspects que vous voulez absolument aborder durant ces séances? Est-ce qu'il y a une... Enfin, quelle est la forme de progression que vous mettez dans cette organisation-là? Puis ouais, non, c'est ça, un peu mes questions. Tout ça, ça fait partie un peu de... Ça fait un petit peu de notre... On n'était pas vraiment organisé à ce point au début. Pourquoi? Parce que moi, mes groupes, comment je fais avec eux, c'est que je ne prépare pas plus de 3 séances, déjà. Je ne prépare pas plus de 3 séances. Je prépare 3 séances maximum. Et c'est très rare. Pourquoi? Parce que je m'adapte au niveau des jeunes. Donc, à chaque fois, il y a quelque chose à travailler. À chaque fois, tu vois un peu les défauts, les difficultés qui reviennent. Donc, je me base à chaque fois sur ça. C'était même pas. C'est pour ça que j'ai pas mis un programme à long terme ou à court, à moyen ou à long terme. Parce que j'ai fait que m'adapter au groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais une pratique. Je prépare ma pratique à moi. Sous forme, les premières pratiques, je les prépare sous forme d'évaluation pour voir un petit peu sur quoi travailler. C'est-à-dire comment tu évalues là? Quelle est la première séance que tu mets en place? Quelle est la deuxième à peu près? Quelles sont justement ces 3 premières séances? Comment tu les organises et puis tu mets ton focus sur quoi? Première séance, exemple, par exemple. Exemple, c'est comme à début de l'année, comme à l'école. Ça veut dire que tu vas un peu expliquer aux jeunes le fonctionnement, ton fonctionnement, comment les pratiques se dérouleront. Mais surtout, Tu vas insister sur la discipline, pas insister déjà le début de l'année. Tu vas juste expliquer un petit peu comme ça, comment ça va se dérouler, l'écoute, vous êtes là pour apprendre, pour progresser, pour vous amuser, des choses comme ça, un discours un petit peu psychologique, et puis les mettre un petit peu au parfum de la saison. À ce moment-là, un peu de tout ça, et puis je les laisse jouer des exercices sous forme de match, même pas des exercices. Si ça va être des exercices sous forme de match, si c'est pas un match, pour voir un petit peu le niveau. Tu vas voir le niveau et tu sauras à peu près quoi travailler. Tu vas d'abord faire des groupes. Si c'est un groupe par exemple qui n'est pas homogène, il y a des groupes, il y a des joueurs qui sont bons, il y en a qui sont pas bons. C'est ça la difficulté qu'on a en ce moment avec l'académie, c'est que on n'a pas encore réussi à avoir un groupe homogène. Un groupe homogène, c'est qu'il se rapproche du niveau, il se rapproche, et donc ça devient facile de travailler avec lui. Tu sais tout de suite par où commencer. Il est où, dans quel niveau. À ce moment-là, tu prépares des exercices par rapport à ça. Mais si, par exemple, tu as deux niveaux, par exemple, différents dans une équipe, qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux équipes? En plus, on n'a pas, entre nous, on n'a pas d'objectif, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de match. Donc, on fait que les former et puis c'est tout. Et que, justement, qu'est-ce qui vous semble essentiel, Hakim? Toi, quand tu prends ton groupe, après que tu aies fait ta première séance d'évaluation, à quoi ressemble, qu'est-ce que vous mettez dans la deuxième séance, dans la troisième séance? Qu'est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est la passe, est-ce que c'est le dribble, est-ce que c'est le contrôle, est-ce que... tu sais, quel est les joueurs que vous voulez former? Quelles sont les compétences, les qualités athlétiques, techniques, physiques que vous voulez développer? Jusqu'à présent, on n'a même pas pensé à ça. Pourquoi? Parce que on essaie d'avoir des matchs amicaux, et puis pour chaque pratique, on prépare le jeu pour juste ce match-là. C'est-à-dire que de toute façon, on prépare le jeu pour ce match-là. Qu'est-ce que vous faites dans les séances? Les séances, ça veut dire que voilà, on va jouer par exemple pour un match. On va, je sais pas, en gros, sans insister, ça va être à peu près superficiel. Tu vas travailler un peu au début la conduite, la passe, le contrôle et tout ça, pour qu'au moins qui sache au moins contrôler le ballon, faire une passe pendant un match, déjà. Superficiellement, l'occupation d'espace. Superficiellement, comment marquer des buts. Pourquoi superficiellement? Parce que le niveau, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il est vraiment... Tu as deux ou trois joueurs qui sont très bons, le reste, c'est pas un bon niveau. Donc, pendant les pratiques, on travaille à peu près superficiellement pour amener le jeune à bien faire pendant le match. Ça, c'est à très court terme, parce qu'on sait que l'avenir de ce groupe-là, de toute façon, il sera pas meilleur. Mais si dans un club, tu as double A, triple A, et que tu as U12, U13, U14, tu as à chaque fois un objectif plus haut. Donc, tu vas vraiment travailler en profondeur. Tu vas mettre les objectifs dont tu as parlé tout à l'heure. Tu vas mettre les objectifs. Alors, dans ce cas, cette équipe-là, à la fin de l'année, elle doit maîtriser, je ne sais pas moi, l'occupation d'espace. Elle doit maîtriser la transition. Et puis, c'est ça l'objectif, parce qu'ils en auront besoin en U13. Des choses comme ça. Tu comprends? On n'est pas arrivé à ce point avec l'académie, parce qu'on n'avait pas de compétition et on n'avait pas de catégorie plus haut. Mm-hmm. Donc, on a travaillé pour maintenir l'académie, et puis pour pas là pour voilà pour avoir voilà cette académie, mais sinon oui, parce que si je remets les choses dans leur contexte, vous là vous êtes une académie, vous avez pas vraiment d'équipe au-dessus de U13, U14, U15, donc il y a des joueurs qui viennent dans votre contexte parce que j'imagine que les entraînements sont bons et puis les intervenants sont bons, la pédagogie est bonne. Malgré ce manque d'objectifs à long terme, justement, ou ce manque de compétition, comment vous vous y prenez, vous, pour fidéliser vos joueurs, pour justement arriver à les garder? Qu'est-ce que vous mettez dans l'organisation de... Oui, c'est ça. Donc, voilà, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas vraiment réussi à garder les meilleurs. Déjà, Ibrahim, le meilleur, il est allé jouer ailleurs. Les autres, pourquoi on a réussi à les garder? Parce que c'est souvent, c'est moi, c'est mon groupe qui reste à chaque fois. Pourquoi? Parce que la bonne ambiance, la bonne humeur, le plaisir, et puis beaucoup d'apprentissage par rapport à leur niveau. Ils apprennent vite, parce que je leur donne beaucoup de choses. Même si j'ai pas mis j'ai mis la première pour eux, c'est beaucoup. Mais moi, je ne peux pas donner plus que ça pour ce groupe, parce que sinon, il va être perdu. Par exemple, ils commençaient à maîtriser, je sais pas moi, appui soutien, appel de balle. Tu ne peux pas avec un groupe qui ne maîtrise pas le contrôle, la passe et ce genre de choses. C'est les bases, il faut maîtriser ça. Ou alors travailler sur l'occupation d'espace ou la conservation de balles. Si tu fais un mauvais contrôle, ça gâche toute la séquence de conservation de balles. Donc tu ne peux pas. Donc tu leur donnes le maximum de choses avec beaucoup de plaisir. Je fais des blagues avec eux parce qu'ils se sentent vraiment valorisés avec moi. Il n'y a pas meilleur ou bon. J'ai un groupe, je travaille avec le groupe. J'ai le groupe, je travaille seulement avec le groupe. Je ne travaille pas avec l'individu. Lui, il est bon, l'autre n'est pas bon, donc je néglige le moins bon. Non, ce n'est pas ça. La pédagogie au travail. Ouais, justement, c'est le mot que j'allais utiliser, là, la pédagogie. Je reviens un peu sur ce que tu avais dit tout à l'heure, où tu ne dis pas aux enfants ce qu'ils doivent faire, tu essayes de ne pas les mettre dans un cadre tu es juste là pour les accompagner. Tu ne leur donnes pas la solution. Tu m'as donné quelques outils comme ça que toi tu mets en place dans la façon dont tu enseignes le foot, donc tu le transmets. Voilà, quoi d'autre tu mets en place justement pour c'est quoi ta façon à toi aussi pour accompagner les jeunes justement dans leur progression? J'utilise beaucoup, en termes de pédagogie, j'utilise beaucoup, vraiment beaucoup de blagues avec eux. Je rigole toujours avec eux. Je décomplexifie. Quelqu'un qui est complexe, qui est complexé, écoute, j'essaie de le dire à tuer poche, même si, il n'est pas bon. Je lui dis, toi, laisse-moi tranquille, t'es pas bon. Déjà, tu lui enlèves ça. C'est psychologique, mais j'ai des choses que j'arrive pas à mettre des mots dessus. Ça veut dire que c'est tout le monde qui est bon, c'est tout le monde qui est mauvais. Et à ce moment-là, le mauvais, il va se sentir comme tout le monde. Tu comprends? C'est aussi la pédagogie, tu valorises le moins bon à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien. Tout de suite, il faut le lui mentionner tout de suite. Il faut le valoriser, celui-là. Sachant que, de toute façon, je sais qu'il ne va pas aller en AA, en AAA, mais la situation actuelle, sur place, je veux dire, la situation sur place, ça fait que je suis l'entraîneur, j'ai accepté ce groupe, il faut les suivre, il faut travailler avec eux, il faut les valoriser. Parce qu'ils vont aimer ça. Et tu vas lui dire, comme quoi, il faut travailler ça, ça, ça. Moi, ouais. Je demande à mes joueurs, qu'est-ce que tu veux travailler? Est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu veux que je te donne des choses à la maison? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux travailler? Donc, c'est toute une pédagogie de travail. C'est pour ça qu'on réussit à maintenir un groupe. Je ne sais pas. Par contre, ça, je n'ai pas théorisé ça dans ma tête. Comment je fonctionne? J'ai jamais pensé à ça. On discute, Hakim. Si jamais je me posais la question moi-même ou si jamais tu me posais la question, je pense que ça serait pas forcément plus évident pour moi de répondre. Pose-moi des questions, peut-être tu vas m'encadrer et puis peut-être je trouverai les réponses à ces questions. Une chose est sûre, pourquoi j'ai réussi à maintenir ce monde avec moi, c'est parce que c'est la pédagogie de travail qui a fait la différence, parce que tu as valorisé les jeunes, parce que tu es là pour t'amuser, pour prendre du plaisir, parce que pendant le match, je leur demande pas de me gagner un match, je leur demande de jouer, d'appliquer ce qu'on a travaillé, de faire de son mieux sur le terrain. Moi, je ne veux pas gagner un match, donc je mets pas ce sentiment de gagner un match sur le terrain. Bon, l'idéal, c'est quand même de gagner. On est d'accord. Non, pas avec n'importe quelle équipe. Parce que tu te feras du mal à toi aussi. Tu te feras du mal à toi aussi. Parce que si tu me donnes une bonne équipe, très bonne équipe, écoute, je vais m'arracher les cheveux. Je veux gagner, je te le dis tout de suite. Ah ben, je veux gagner. Mais si tu me donnes une mauvaise équipe, là, c'est sûr que je vais pas me casser la tête parce que sinon je me ferai du mal. À la fin du match, je perds, je serai pas content. Donc pourquoi me faire du mal? Je sais que le niveau il est pas bon. Donc je me mettrai à ce niveau, je penserai que je me mettrai à ce niveau et je corrigerai le nécessaire sans que j'ai envie de gagner ou de mettre un objectif de gagner. Parce que si je mets un objectif et j'échoue, on était déjà des compétiteurs. Tu sais bien que quand on est chaud, on n'aime pas ça. J'aime pas ça, moi. Quand, par exemple, d'ailleurs, je l'ai perdu et Dieu merci, ça, je l'ai perdu. Ça fait plaisir, ça aussi. C'est ce qui m'a mis aussi dans la catégorie des citoyens du monde. D'ailleurs, la compétition, c'est pas bon. Mais ça reste que ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est vrai. Si tu me donnes une bonne équipe, une très bonne équipe, c'est sûr que j'ai envie de gagner. Parce qu'il y a cet objectif, je veux gagner et tout. Mais si tu me donnes une mauvaise équipe, je ne vais pas mettre dans ma tête cet objectif. Parce que sinon, tu feras du mal à l'équipe, aux joueurs, et tu te feras du mal à toi. Et tu vas être en tort. Tu n'es pas en harmonie avec ce que tu as. Tu veux gagner, mais avec une mauvaise équipe. Non, c'est faux. Si tu joues au même niveau, peut-être. Mais si tu as une bonne équipe devant toi et tu joues avec la mauvaise équipe, toi, et tu veux en plus gagner, ok, bon courage alors. Donc si tu gagnes, tant mieux. Mais si tu perds, tu te fais du mal à toi et tu feras du mal aux joueurs. Mais t'as pointé du doigt un truc qui pour moi est un fléau, effectivement, c'est la compétition. même si je pense qu'elle est... je pense que les gens, moi le premier, on progresse dans l'adversité, et puis la compétition fait partie d'une certaine forme d'adversité qui nous pousse un peu dans certains retranchements, nous permettant de progresser. Mais après, c'est vrai, le contexte autour est intéressant, et j'insiste bien sur la pédagogie, parce que lorsque j'ai voulu créer le mot un peu du podcast, le nom, donc « footballagogie », je suis parti un peu sur justement l'éducation par le football, donc la pédagogie, la transmission de savoir par le football. C'est pour ça que j'insiste un peu dans ce domaine-là et j'essaye un peu d'aller à la rencontre des gens. Et puis toi, Hakim, tu en fais partie pour apprendre de chacune des rencontres et puis de voir un peu comment les intervenants dans le monde, ceux qui transmettent, bah, ils font pour transmettre. Et moi, durant mon parcours, c'est ça la façon dont ma pédagogie a justement aussi évolué. Et puis, ce serait pas évident de répondre spontanément, mais des choses qui me viennent en tête, je sais que je suis arrivé à une période où bah, est-ce qu'il faut pointer du doigt ce qui fonctionne pas, ce que l'enfant fait mal. À un moment donné, bah, je me suis dit non. Je vais me mettre dans un environnement de bienveillance, dans un cadre d'apprentissage bienveillant, donc valoriser uniquement ce qui est bien fait, et puis éventuellement que les autres fassent du mimétisme. Ça veut dire, si à un moment donné, on pointe que ce qui est bien, bah, peut-être que les joueurs vont tendre vers ça. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi dans le fait que de pas créer un cadre trop fermé. Je me suis retrouvé un peu quand tu as parlé du Japon. Justement, c'est la démarche que j'essaye de faire, et je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment envie de mettre ça en place. C'est par rapport au Japon, bah, y a une activité qui est proposée, puis s'il y a un enfant qui décroche parce qu'il s'ennuie, parce qu'il a envie d'aller faire autre chose, et ben, qu'il soit complètement libre, parce que ça ne lui convient pas à ce moment-là, parce qu'il n'en a pas besoin, parce qu'il a besoin de faire autre chose, sans pour autant que ce soit l'anarchie. Je sais pas, il y a probablement une question d'équilibre à trouver, mais eh ben, je suis en pleine réflexion là-dessus, justement, où pour créer le plaisir, c'est de mettre... Là, je vais réfléchir parce que j'y ai pas... mais il y a un mixte entre ce que tu viens de dire par rapport au Japon, par rapport aux lectures de Céline Advarez, par rapport au cadre un peu Montessori. C'est ça de... Comme tu as parlé de progression, je pense que tous les enfants dans les écoles n'ont pas besoin des mêmes choses au même moment, parce qu'ils ne sont pas au même stade, donc il faut un peu individualiser le parcours. Bah, j'ai envie d'amener cette réflexion dans le foot. Donc je me demande si c'est transposable, je ne sais pas encore comment. Et si à un moment donné, je ne peux pas créer un environnement dans lequel les enfants s'approprient l'environnement en fonction de son partenaire, de l'âge, de ses compétences, de son savoir, et puis ferait un peu les activités selon ses désirs. Donc là, ça demanderait une vraie réflexion, mais tu viens de me nourrir, et c'est pour ça que je vais un peu à la rencontre des éducateurs du monde. C'est comment, en fonction de ton éducation, de ton parcours, de ton histoire, de tes compétences professionnelles, tu transmets, et puis là, tu m'as donné d'autres outils supplémentaires. C'est pour ça que tout à l'heure, je n'ai pas coupé, parce qu'on est à fond dedans. On est en plein dedans, et pour moi, c'est extrêmement intéressant. Ça vient un peu nourrir et alimenter ma réflexion. L'exemple du Japon, tu peux l'appliquer sur U4, U5, U6. Par exemple, jusqu'à U7, peut-être. Mais une fois le jeune est entré dans une équipe, il sait que c'est pour se former. Il ne sait pas que c'est pour se former, mais il sait qu'il est dans une équipe. Donc, à ce moment-là, cette histoire de, par exemple, il veut pas pratiquer, c'est comme si c'était un refus, peut-être, parce que c'est un domaine spécifique. C'est le foot. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis, mais je pense que, par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut décrocher, qui veut pas continue à faire du soccer, et tu laisses aller faire autre chose, ça va être dans le 4, 5, 6, 7 maximum. Ouais, mais 8, est-ce que 9, c'est pas à ce moment-là qu'on perd 8. Des joueurs ? Est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'on perd des joueurs, qu'on se concentre uniquement sur l'aspect groupe, et puis là, je sais pas, je ne fais que réfléchir, et puis qu'on oublie l'individualisme, on oublie que chacun est différent, et que là, finalement, on s'y retrouve pas, parce que le foot, c'est le plaisir de vivre, enfin de jouer ensemble, parce que c'est avant tout juste jouer. Et puis comme on sait que on le sent, hein, que ce soit dans l'Outaouais ou en France, ou ces deux domaines que je connais bien, on prend conscience qu'au niveau des lignes, le nombre de licenciés baisse chaque année. Je le sais en France, je le sais à Paris. Je le sais au Canada, je le sais à Gatineau, je le sais au Québec. Est-ce que, justement, on ne s'est pas égaré à vouloir croire que Bah, le plus important, c'est de former des équipes dans l'esprit de faire un meilleur résultat possible, une meilleure. Je sais pas, je me cherche. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas oublié un peu l'individu et puis sa progression et puis son simple plaisir de jouer au football? Je sais pas. Tu viens de m'aider là tout de suite là à mieux définir un petit peu les choses par rapport au foot. Là, en me disant tout ça, tu viens juste de m'aider à définir un peu plus le foot. C'est quoi? C'est là, je me suis dit, attends, c'était quoi? Qu'est-ce qui est passé dans ma tête? C'est que tu parlais de les laisser, de ne pas les, trop les encadrer. Ah oui, c'est ça. Donc, transmettre, moi, je t'ai dit au début, je t'ai dit que moi, à travers le sport, à travers le foot, que je transmets des valeurs aux jeunes. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que ton enfant apprenne? Est-ce que c'est le foot? Ou est-ce que tu veux qu'il devienne, je ne sais pas moi, un athlète, une bonne personne, qui s'entraide, qui aide son prochain à travers le sport? C'est quoi ton objectif? Parce que moi, par exemple, si tu me demandes, est-ce que tu veux que ton fils devienne un football professionnel qui gagne des milliards, mais qui n'a aucune, je ne sais pas moi, aucune valeur humaine? Ben, je m'en fous, moi, du foot. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi dans sa vie. Pour moi, c'est ça. Ça veut dire que moi, le foot a ramassé autant d'argent, mais il est bête. À quoi ça sert, ça? Ou alors, ramasser beaucoup d'argent et qui fait du mal, je sais pas moi, à telle personne, et qui il est orgueilleux, et il écrase telle personne, lui, il est pauvre, lui, et tout ça. Moi, je ne veux pas de ce joueur-là. Je ne veux pas que mon fils devienne comme ça. Donc, chacun son objectif. Qu'est-ce que tu veux que ton fils apprenne à travers le foot ici au Canada? Je peux te l'assurer, comme il n'y a pas vraiment de débouché vers le professionnel, ça me correspond parfaitement. Ça veut dire que j'utiliserai ce sport pour transmettre des bonnes valeurs, une bonne éducation pour cet enfant. Après, en Europe, tu ne vas pas dire que à travers le foot, tu vas transmettre les valeurs. Parce que eux, les valeurs, ils s'en foutent complètement. Qu'est-ce qui est vraiment le plus important? Qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour eux? La compétition, gagner de l'argent, et puis gonfler leur ego. Gonfler. Écoute, un joueur de foot qui a bouffé beaucoup d'argent, il est facile à manipuler. Tu lui enlèves son argent, il va pleurer. Il va devenir ton esclave. Mais un enfant à qui tu transmets les bonnes valeurs et de lui dire que l'argent ne fait pas le bonheur et tout ça, enfin des choses de ce genre et tout, tu lui enlèves l'argent, il s'en fout complètement. Et je ne vais pas devenir ton esclave, moi. Tu ne vas pas me dire quoi faire. Moi, je suis maître de moi-même. Tu comprends, c'est que là on est parti un peu dans la vie de pas du foot, mais à travers ce foot. Ici au Canada, je peux te l'assurer que comme il n'y a pas de débouché professionnel, je pense que le foot, il faut que ça soit un moyen de transmettre des valeurs. Mais ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ça comme un moyen pour s'enrichir. Mmh. Il faut le reconnaître. Mais moi, c'est cet aspect-là. Je suis contre cet aspect-là. Donc, je veux qu'à travers le foot, je transmettrai des bonnes valeurs. Parce qu'on a tendance à perdre ça. C'est ça. Et j'ai pas réfléchi à ça. C'est plus j'avance dans la vie, plus je vois ce genre de choses. Et j'ai trouvé ce moyen. Et comme par hasard, je suis à l'école avec les enfants. Et je suis au foot avec les enfants. C'est pas un hasard, ça. Il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est le destin. Donc, par contre, tu prends les professionnels sans citer aucun joueur. Je m'en fous des joueurs. Ils sont fragiles, les pauvres. tu lui enlèves son argent. D'ailleurs, la crise, en ce moment, la crise des salaires, les footballeurs, ils demandent d'être payés. Ils sont sérieux, quoi. Combien d'argent ils ont ramassé? Combien d'argent ils demandent leur salaire de mois de juin, je sais pas moi, mars, avril, mai, juin, je sais pas quoi. Est-ce qu'ils sont sérieux? Vas-y, explique-moi s'ils sont sérieux. Tout ça, c'est un instrument entre les mains des personnes qui manipulent vraiment les gens et puis le monde. Et c'est connu, ça. D'ailleurs, c'est... Comment il s'appelle Gladiateur. Je ne sais pas si tu as entendu la séquence où il a... César, je pense, il a lancé des jeux dans l'arène. Tu donnes les jeux. Je ne sais pas. Regarde c'est la séquence, tu vas voir. Mm-hmm. C'est avec les jeux. Donc, tu donnes les jeux aux... comment dire ça j'ai oublié. Au peuple, et le peuple te donnera sa liberté, un truc du genre. Donc, c'est ce moyen-là, ici au Canada, moi je le prendrais comme un outil pour transmettre ses valeurs. Voilà à peu près. Là, on est sorti de techniques, programmes techniques et tout. On est en profondeur, on analyse la profondeur des choses. Parce que technique, oui, c'est vrai, on va penser, on va réfléchir, on va analyser quel est le programme technique adéquat pour former ces jeunes et tout ça. Mais la réalité des choses, la vraie réalité des choses, ça c'est autre chose. C'est pas superficiel, mais ça fait partie du projet. Mais là, le vrai projet à travers ça, c'est de se payer des salaires. Alors que moi, je veux utiliser ça, c'est comme un moyen de passer de transmettre des valeurs, des bonnes valeurs. Dis-moi, Hakim, trois questions à te poser. Ouais, vas-y. Une foot, parce que j'aimerais revenir un peu sur un truc, mais après, il me restera juste trois questions de clôture à fermer. Mais la dernière question concernant le foot, ce que je voulais te poser, c'était si on pouvait un peu aborder la planification que tu es en train de mettre en place. Comment tu t'organises c'est quoi un peu ta réflexion? C'est quoi ta méthodologie? Est-ce que tu t'es fixé un objectif pour la fin? Est-ce que tu t'es dit, ok, je connais mon public, et ben, je sais par où est-ce que je veux commencer? Et puis, comment tu vas créer ta planification, ta méthode? Ah oui, jusqu'à présent, c'est sur un stade de réflexion, de visualisation de ce projet. Je suis en train de mettre toutes les idées qui me passent dans la tête. J'ai même pas encore conçu un plan, mais j'ai mis beaucoup d'idées par rapport à ça. Donc vraiment, je suis à ce stade-là, un stade de réflexion, de visualisation de ce projet. Et j'ai pas encore commencé des lectures. Donc, je suis en train juste de fouiller en moi. J'aime plus ça. Par contre, j'aime plus fouiller en moi avant d'aller voir des lectures ou des vidéos. J'aime pas d'ailleurs d'aller voir des vidéos. C'est comme si c'est pas moi qui ai fait ça. J'aime plus préparer ou travailler ou préparer quelque chose à la base de mon expérience et puis de mes connaissances. Bah, vas-y, où est-ce que tu en es et à quoi ça ressemble là pour l'instant? Donc, jusqu'à présent, je suis au stade de réflexion, d'imagination, de visualisation de ce programme. Parce que plus je réfléchis, plus je me dis, par exemple, sur la grille d'évaluation, écoute, au début, je me disais, je mettrais ça. Mais après notre discussion, tu m'as donné une nouvelle idée. Ça veut dire que moi, je me suis dit, ça veut dire qu'il y aura plusieurs grilles d'évaluation. Il va y avoir dans ma tête, je me suis dit, il va y avoir une grille d'évaluation de technique individuelle. Ça veut dire qu'on ne passe contrôler tout ça, parce que c'est toi entre toi et le ballon. Donc, cette grille d'évaluation, excuse-moi, c'est au début, c'est à la fin, c'est quand? C'est plusieurs fois dans l'année? Ça, c'est un suivi. Ça veut dire que c'est durant l'année. D'accord, donc plusieurs fois dans l'année. Il va y avoir une grille d'évaluation, genre d'un suivi. D'accord. Tu comprends, c'est faible, ouais. Ainsi de suite. Et puis, tu vas avoir une grille d'évaluation qui te permettra d'accéder à un niveau ou à un autre. D'accord, donc plusieurs grilles d'évaluation suivant, l'aspect que vous voulez aborder. Oui, je suis en train de réfléchir à tout ça. Je ne sais même pas. Parce que si je continue avec ça, il va y avoir plusieurs grilles d'évaluation. Tu comprends ? Mm-hmm. Moi, qu'est-ce que j'ai pensé ? Au début, j'ai pensé à ce que je mette une grille d'évaluation pour qu'on puisse dire que ce joueur-là est capable d'aller en double A. Il faut me montrer sa grille d'évaluation. Il faut voir est-ce qu'il est capable de faire ceci, cela, ça. Ah, il est capable, à quel niveau, moyen, bon ou très bon. Par exemple, je donne juste un exemple, il est moyen, oui, on peut l'intégrer en double A, vas-y, il est capable. Ouais, donc, juste moyen, double A, c'est le premier niveau de compétition entre différentes régions, là. C'est juste pour expliquer, s'il y a jamais y en a qui se posent des questions, le double A, c'est... Bah là, il faut commencer à quitter sa ville et puis en gros aller jouer d'autres clubs de niveau double A, notamment en dehors de Gatineau. Bah, il y en a à Gatineau, il y a différents clubs, mais c'est là où on va affronter. C'est le premier niveau à partir de U13. Comment l'expliquer d'ailleurs? Comment tu l'expliquerais, ce niveau de A? C'est une compétition interrégion, exact. C'est intra-provincial, ça veut dire que c'est à l'intérieur de la province. Du Québec, oui. Du Québec, voilà. Donc c'est intra-provincial et inter-région. D'accord. Bon, excuse-moi de t'avoir coupé, là, c'était pour un peu expliquer. Ouais. Mais là, c'est vraiment un brouillon que je suis en train de te lancer. Parce d'accord. que plus tu me réponds, plus j'ai d'autres nouvelles idées. Donc là, je vais mettre le brouillon à rassembler toutes ces idées. Et puis, finalement, on va essayer d'avoir quelque chose de fiable et puis de concis, plutôt, qui va nous permettre vraiment d'évaluer et puis de sélectionner les bons joueurs. Voilà, c'est ça. Donc, c'est à peu près, c'est ça. Mais je suis vraiment au stade. D'ailleurs, cette semaine, je l'ai laissé repos avec tous les travaux qu'on a avec l'école et tout ça. Donc, je l'ai laissé un peu de côté. Je vais le reprendre justement la semaine prochaine. De toute façon, on a assez de temps. On n'aura pas de foot jusqu'au mois de mai minimum. Jusqu'au mois de juin, il n'y aura pas de soccer, il n'y aura pas de foot, il n'y aura pas de camp d'été, il n'y aura rien du tout jusqu'au mois de juin. Donc, on a assez de temps. Pour faire ça. Moi, je vais avec les 5, 6, 7, 8. J'ai commencé avec les bases, la passe, la conduite de balle et le contrôle. Et puis, au bout d'un moment, j'ai vu qu'il y a des bons joueurs. Qu'est-ce que j'ai fait avec les bons joueurs? Je les ai mis de côté et j'ai laissé les autres travailler avec le ballon, avec le travail individuel, avec le ballon. Travail technique individuel avec le ballon. Les autres, ceux qui sont avancés, j'ai préparé un autre programme qui est l'apprentissage des mêmes bases, par exemple, mais sous forme de jeu. Pour revenir un peu à ce qu'on a parlé par rapport à ça. Ça veut dire que sous forme de jeu, ça va être, il y aura pas de « je te fais une passe, tu bouges », ça va être des matchs, sous forme de match, sous forme de jeu, je ne sais pas moi, tu mets 3 contre 3 pour travailler la conduite de balle, par exemple. Pour marquer un but, il faut que tu ailles en conduite de balle en course et puis stopper ton ballon derrière la ligne. C'est juste un exemple. Ça, c'est que tu favorises la conduite de balle. Ça, c'est quand les joueurs sont moins bons, tu dis? Non, ça, c'est quand les joueurs sont bons. Ouais. Je mets des exercices sous forme de jeu. D'accord. Tu comprends? Ok. Ils bougent, ils tous sous forme de jeu, sous forme de match. Mais les joueurs qui ont besoin de temps pour toucher le plus longtemps le ballon, parce que sous forme de jeu, les joueurs ne touchent pas le ballon tout le temps. Tu comprends? Mais pour ceux qui sont un peu en retard, il faut qu'ils touchent vraiment, parce qu'on veut créer de la répétition. Pour créer de la répétition, il faut qu'il y ait vraiment chaque joueur un ballon. Donc, par rapport à ça, moi, je vois les choses comme ça. Donc, ceux qui sont en retard, ils ont besoin de plus de temps de toucher le ballon plus longtemps que celui qui est un peu plus avancé. Donc, je les laisse toucher le ballon, travailler la conduite, la passe et le contrôle individuellement sous forme d'exercice, mais pas sous forme de jeu. Par contre, les meilleurs, parce que sinon ils vont s'ennuyer, d'après moi, ils s'ennuient quand c'est conduite de slalom, des choses comme ça. Ça va être sous forme de jeu, mais toujours c'est les bases, les mêmes bases. S'ils sont encore avancés, ils sont prêts, par exemple, à conserver le ballon, ben on y va pour la conservation de balles. S'ils sont prêts, par exemple, je vois qu'ils sont intelligents, assez intelligents pour occuper l'espace, pour commencer à travailler l'occupation d'espace, on y va pour la... Tu comprends? C'est selon ce que tu as, que tu crées tes exercices. C'est pour ça que moi, je dis, je le répète, je ne vais pas créer 1000 exercices et puis finalement, ils sont pas vraiment, c'est pas un gâchis si tu crées 1000 des exercices. Ça, c'est sûr, ça va rester. On est bien d'accord. Mais comment je vois les choses, c'est que selon le groupe que j'ai, je prépare mes exercices selon les besoins de mon groupe. Voilà comment je fais les choses. Et donc, pour revenir à ta question, est-ce qu'on a préparé un programme technique? Non, on n'a pas préparé un programme technique. Si, par exemple, tu me demandes, par exemple, est-ce que on a bien réussi l'été passé par rapport à ce que j'ai mis comme programme, je te dirais, je suis vraiment très, très, très satisfait parce que, imagine-toi, en 2 mois, j'ai vu de la progression palpable. Vraiment, j'ai ressenti de la progression. Vraiment, j'ai ressenti ça. Pourquoi? Parce que vraiment, j'ai commencé par les bases, conduite de base, récapitulation vers la fin de la pratique, rappel chaque début de pratique d'après. Donc, par exemple, on a travaillé la passe intérieure du pied à la fin de la pratique. Avec quelle partie du pied on fait la passe? Il lève la main, moi, intérieur du pied, bravo. Et puis, la prochaine pratique, est-ce que vous vous rappelez avec qu'est-ce qu'on a travaillé? Oui, là, la passe. Est-ce que vous vous rappelez avec quelle partie du pied on fait la passe? Oui, avec l'intérieur du pied. Donc là, à ce moment-là, tu as transmis la technique et tu as transmis le vocabulaire de la technique. Tu comprends? Donc, c'est un tout. Moi, c'est comme ça que j'ai fait là. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait un peu. En gros, je t'explique à peu près comment j'ai fait. Et chacun son ballon. J'ai fait de la compétition. J'ai fait de la compétition de temps en temps pour que ça donne un peu l'envie de. Les enfants, ils adorent courir et faire un petit peu de la compétition pas mal saine. À chaque fois, je dis occupe-toi de ton ballon, ne regarde pas à gauche, à droite. Essaye juste de le faire bien. Tu comprends? Mais sous forme un peu d'initier un petit peu la compétition. Et écoute, très satisfait. Très satisfait de ce que j'ai vu l'été passé. Mais aller jusqu'à préparer un programme technique, non. Parce qu'on ne s'attendait même pas à avoir ce monde-là. On ne s'attendait pas à avoir ce monde-là. Tout d'un coup, on avait du monde qui s'est inscrit. Mais pourquoi pas cette année? On va mettre un système, un programme bien établi, standard d'ailleurs, qui peut être appliqué sur tout le monde, tous les niveaux. Donc, pourquoi pas? On y va pour ça. Donc, je pense que Hakim, moi, je vais... En gros, je pense que je te recontacterai dans un an et puis on fera un nouveau podcast uniquement sur la partie sur cette partie technique. Ouais. Du coup, j'arrive sur les dernières questions. Tout de même, quand même, parce qu'à un moment donné, il faut s'approcher de la fin. Il y en a deux il y en a deux que je pose à tout le monde. Il y en a, et toi, je vais t'en poser 3 parce que t'en as parlé pas mal et finalement, ça m'intéresse. Après avoir très brièvement abordé un peu ton parcours, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé, j'imagine. Et si on devait faire le bilan de ce que tu m'as dit, ce serait quoi, finalement, selon tes mots, réussir sa vie? Ah. Là, il ne faut pas que je réfléchisse, d'ailleurs. Non. Réussir ma vie, ouais. Sinon, ça n'existe pas, la réussite de la vie. Voilà, sans réfléchir. Réussir sa vie, ça n'existe pas. C'est utopique. C'est juste un mot qui a été créé pour maintenir les gens à courir derrière quelque chose qui n'existe pas. Réussir sa vie. Ce que tu sais, c'est quoi réussir sa vie? C'est de faire ce que tu veux dans la vie. Tu as voulu aller en Corée du Sud, tu es allé. Bravo. Parce que dans la vie, c'est juste apprendre et progresser. Dans la vie, c'est apprendre. C'est tout. Est-ce que tu as appris des choses en Corée du Sud? Oui, bravo. Voilà, c'est ça. Mais me dire réussir sa vie, on l'a déjà réussi notre vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est des bonnes personnes. On l'a déjà réussi. Tu n'as même pas besoin de te forcer à réussir autre chose. Ta vie, tu l'as déjà réussi. Tu sais pourquoi? Parce que tu existes déjà. Tu es là, ici, dans la vie. Et puis, tu es une bonne personne. Donc, c'est ça, la réussite. La réussite, c'est pas avoir de l'argent ou des voitures ou avoir les papiers français. comme on nous a mis dans la tête qu'il n'y a pas que ça. C'est pour ça que je pose la question. Une petite blague du départ, hein, pour revenir un petit peu au départ. Mais la réussite, c'est vraiment... Mais si tu veux qu'on reste dans la réussite, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec. On a déjà réussi notre vie, Thomas, on l'a déjà réussi. Ça n'existe pas. C'est une chimère. Une chimère. Et ben, voilà, il y a les mots littéraires qui me reviennent, mon ami. D'accord. Et du coup, ça m'amène aussi à la question suivante. Comment, tout au long de ton parcours, et comment tu continues, toi, Hakim, à te former? Comment tu fais pour continuer à te former? Comment tu fais pour continuer à progresser? Est-ce qu'il y a des livres? S'il y a des livres, est-ce qu'il y a des titres? Est-ce que tu as des méthodes particulières? Est-ce que tu vas sur des sites? Est-ce que tu... je sais pas. Comment tu continues, toi, de progresser, surtout en tant qu'enseignant, oui, mais en tant que personne qui transmet, en tant qu'entraîneur? En tant qu'enseignant, à l'école, déjà, on fait beaucoup de formations d'enseignants que je trouve vraiment, vraiment très, très intéressantes. Parce que moi, quand même, en 2010, j'ai mon diplôme, Master 2 en 2010. Depuis 2010 jusqu'à 2020, 10 ans quand même, il y a beaucoup de vocabulaire qui est entré, intégré dans le milieu scolaire. Écoute, moi, j'ai jamais entendu, avant, hein, pour être honnête, j'ai jamais entendu différenciation pédagogique au début. Hein. Moi, j'ai jamais entendu ça. Et pourtant, moi, j'ai fait quand même la linguistique, j'ai touché à peu près à tout. Et ben, ici, j'ai commencé à comprendre. Tu peux aborder un peu ce sujet brièvement, Hakim? La différenciation pédagogique, oui. C'est quand tu as plusieurs niveaux dans ta classe. C'est comme au foot, hein. C'est comme quand tu as plusieurs niveaux dans ta classe. Et puis, il faut que tu t'adaptes à chacun de ces niveaux. Il ne faut pas que tu donnes un enseignement linéaire standard pour tout le monde. Voilà, il ne faut pas que ce soit pour tout le monde. Il faut que tu t'adaptes à ces deux niveaux. Par exemple, les plus forts, tu prépares des choses pour les plus forts, les plus faibles, des choses aux plus faibles. Tu vas essayer de l'organisation des pupitres. Tu vas essayer de, par exemple, de mettre un plus faible avec un plus fort, mais il ne faut pas que le niveau il soit vraiment grand, l'écart, il ne faut pas qu'il soit grand. Donc, dans une classe régulière, de toute façon, le niveau, il est à peu près pas large, pas grand. Donc, tu peux mettre un faible avec un plus fort, ils vont s'entraider, le plus fort va aider un petit peu le plus faible. C'est des techniques, des stratégies d'enseignement. Donc, la différenciation pédagogique, c'est ça. Comment amener, par exemple, comment s'adapter à plusieurs niveaux de ta classe. C'est à peu près ça. D'accord, je te remercie. Donc, je t'ai coupé, ouais. Oui. Comment tu continues de te former? C'était ça ma question. Je te remercie en tout cas. Beaucoup de formations, je trouve vraiment bien, franchement. Vraiment, vraiment, j'aime ça. J'aime quand je me forme, quand on me montre des choses, comment ça marche. Parce que moi, je peux te dire que j'ai beaucoup de choses dans ma tête. Mais au moment où tu commences à m'expliquer la chose, ah, d'accord, c'est comme ça. Ok, donc je le fais. Mais avant l'explication, pour moi, c'est nouveau. Alors que tu l'as déjà dans ta tête, ça. Mais je découvre, j'apprends des choses, des nouvelles choses, et j'aime ça. J'aime quand c'est vraiment beaucoup des lectures aussi, et puis beaucoup, beaucoup de discussions avec les collègues, mes collègues de travail aussi, parce qu'on a les enseignants de chaque niveau qui se réunissent et qui discutent sur les stratégies d'enseignement. Par exemple, je te donne un exemple. L'automne, on prépare du vocabulaire en lien avec l'automne. Par exemple, je ne sais pas moi, l'été indien, par exemple, Halloween, tout le vocabulaire qui tourne autour de cette saison, on les met sur papier, on met le vocabulaire plus l'image et on le donne aux élèves pour apprendre. Tu comprends? Donc, il y a beaucoup d'échanges aussi avec les enseignants par rapport à ça, par rapport aux stratégies d'enseignement. J'adore ça, j'aime ça. Et puis, par exemple, en dehors de l'enseignement, on a des comités, ce qu'on appelle VCP, valorisation du comportement positif, par exemple, d'ailleurs, dans la discipline. Et puis, on a des rencontres pour trouver des meilleures stratégies pour amener un élève qui n'est pas discipliné vers la discipline voulue. Par exemple, le mettre dans la cour d'école, on dit qu'il ne faut pas pousser, qu'il ne faut pas frapper un élève. Mais lui, il répète à chaque fois. Donc là, il faut trouver des stratégies pour l'amener à lui expliquer comme quoi ça c'est pas bon, il faut pas pousser, c'est interdit, sinon tu feras du mal, des choses comme ça. Donc on réfléchit sur ça. Je suis aussi dans un comité environnement. Ça veut dire trouver comment, par exemple, on lave les chaudières, les trucs là, pour les poubelles, on les lave avec les élèves. On crée un comité d'élèves, un groupe d'élèves qui nous aide à passer par toutes les classes et puis ramasser les poubelles, les vider et puis les laver. Des choses comme ça, franchement, c'est vraiment beaucoup d'apprentissage. J'aime vraiment ça. J'aime ça. Par contre, la deuxième, c'était quoi la deuxième question? J'ai oublié. En plus, j'ai sa réponse. En tant qu'entraîneur, est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a des livres? Est-ce que tu as des sites à recommander? Est-ce que tu as des astuces d'entraîneur à recommander, que ce soit pour moi ou pour d'autres? Ah non, c'était pas ça, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'est pour l'école. Ça, c'était pour l'école. Et pour le sport, c'est. Voilà, dommage. J'ai perdu une très très bonne idée, mais c'est pas grave. Pour le foot, moi, franchement, je lis pas des stratégies de. À un certain moment, je voulais lire les livres des entraîneurs comme Guardiola, comment ça s'appelle l'italien, Ancelotti et tout ça, mais j'ai pas trouvé par exemple les mémoires de Iniesta, j'ai pas trouvé, je sais pas pourquoi j'ai pas trouvé, mais j'aimerais bien les lire, mais je les ai pas lus, juste pour un peu voir un petit peu leur lire un peu leur expérience et tout ça, mais j'ai pas lu. Mais quand j'étais au sport études, je lisais un petit peu les stratégies, je lisais un petit peu sur des choses comme ça, analyse de vidéo, mais après le sport études, j'ai mis ça de côté, franchement. Je travaillais en me basant sur mon expérience. Parce que j'ai pas besoin de ça avec les petits. Peut-être avec les seniors, peut-être je me remettrai peut-être à lire un petit peu tout ça, à notre niveau, mais pour le moment, j'ai assez de connaissances et d'expérience pour le transmettre aux jeunes. D'autant plus que ça, je t'ai dit, j'utilise juste comme un moyen pour transmettre des valeurs aux enfants. Parfait. Hakim, non, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose ? J'ai oublié une idée, mais c'est pas grave. J'ai oublié une idée, mais c'est parti, c'est fini. Laisse-la tranquille. C'est pas grave. J'en viens à ma dernière question, Hakim. La dernière question, c'est est-ce que durant ton parcours de vie, ton parcours d'entraîneur, les deux, est-ce qu'il y a eu des mentors sur ton parcours, des modèles, des mentors que tu as rencontrés ? Et si oui, quels impacts ils ont pu avoir sur toi ? Est-ce que durant ta vie, en tant que ta vie, ton expérience de vie, en tant qu'être humain, ton expérience d'entraîneur, ton expérience d'éducateur, ton expérience d'enseignant, est-ce que tu as rencontré des gens que tu considères comme des mentors et quels impacts ils ont pu avoir sur toi ? Ouais, je vais peut-être être un petit peu. Des mentors dans ma vie. Non. Des mentors au foot. Non plus. C'est bizarre. Tu me poses la question, on m'a jamais posé ça. Est-ce que je te réponds ? C'est vraiment sérieux. Pas de mentor. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Si tu me dis par exemple. C'est pas un mentor pour moi. C'est le joueur que j'aime le plus, le joueur qui est vraiment, je ne sais pas moi, le meilleur de tous les temps pour moi, par exemple, c'est Ronaldo, le Brésilien. Juste, c'est pas, mais je me sens pas comme c'est mon mentor. Je suis pas, parce que j'avais pas un rêve de devenir un joueur professionnel, donc il n'est pas mon mentor. Peut-être pour Benzema, c'est son mentor, parce que lui, c'est le fan, c'est son fan, lui. Il est fan de Ronaldo. Mais moi, non. Par exemple, par contre, oui, l'attaquant, par exemple, au niveau technique, c'est lui. Au niveau éducation et comportement et humain, je vais dire Xavi et Iniesta. En plus, qu'ils sont des génies. C'est des gens vraiment humbles, simples, sans vagues. Ils sont pas vicieux, ils s'amusent. C'est pour moi, d'après ce que j'ai vu d'eux. Mais sinon, pour un mentor au foot, franchement, personne. Parce que j'ai jamais eu un rêve. J'ai jamais eu le rêve de devenir joueur professionnel. C'est pour ça que j'ai pas dans ma tête un mentor, ou je ne sais pas si c'est juste ce que je te raconte, je ne sais même pas si c'est juste ou pas. C'est parce que je ne sais pas, mais pas de mentor au foot. Parfait. Mais dans la vie aussi, je pense que je n'ai pas de mentor dans la vie. Mentor, il m'a influencé par exemple dans la réussite, enfin la réussite si ça existe, dans ma progression dans la vie, c'est ça? quelqu'un qui m'a influencé en moi ou vraiment mentor ou mentor qui m'a influencé ou... Ouais, il n'y a pas de... J'attends aucune réponse. S'il n'y en a pas, moi, il n'y a aucun problème. Voilà, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. D'accord, bah, c'est bon. C'est bon. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé de mentor. Ok, ouais. Hakim. Écoute, en plus, c'est bizarre parce que plus on parle de foot, je le trouve... C'est secondaire. Plus on parle de la vie et la progression dans la vie, là, je le sens très important. Je ne sais pas pourquoi. De quoi ? De quoi tu parles ? Par exemple, quand tu me poses des questions sur le foot, je sens que je réponds à ta question. Mais je ne sens pas que c'est vraiment très important pour moi, le foot, des choses comme ça. Mmh. Mais dès que tu me poses des questions sur la vie et sur comment faire progresser soi-même dans la vie, je trouve que je le sens vraiment, c'est important. Donc, je ne sais pas si c'est cohérent ce que je dis, mais il y a des choses avant qui me tenait à cœur, mais c'est plus le cas en ce moment. Ça change, on change dans la vie, on avance et on change. Par exemple, si je te donne l'exemple Force et Honneur de Gladiateur, écoute, comme dirait un Québécois, je capotais sur ces deux mots. Maintenant, Honneur, ça n'a aucun sens pour moi en ce moment. L'honneur, c'est quoi l'honneur? Il sert à quoi en ce moment? Ça sert à rien. La fierté, peut-être tu es fier de toi-même, parce que tu as accompli quelque chose. Mais avoir de la fierté, d'être fier, je ne sais pas moi, d'être algérien, mais je ne vois pas en quoi ça m'avancerait d'être fier, d'être ça. Je ne sais pas. Quoi d'autre? C'est des choses qui, plus tu en avances dans la vie, plus ils deviennent insignifiants. Franchement, honneur, à quoi il sert l'honneur? Il sert à rien. Pourquoi? À quoi il sert? Est-ce qu'il sert à quelque chose, l'honneur, dans la vie? Pour avancer dans ta vie, pour progresser. Tu sais, quand tu tombes dans un bateau, dans l'océan, tu tombes dans l'océan et tu as un sac à dos de lingots d'or sur ton dos. Tu fais quoi? Tu te laisses couler ou tu lâches? Il faut lâcher tout ça, Mona. Il faut que tu lâches ça pour que tu survives. Il faut que tu lâches le sac à dos de lingots d'or. Et le pire, c'est que dans notre société, les gens, ils n'ont pas des lingots d'or. Ils ont un sac à dos de plomb qui ne sert à rien, mais qui veut le garder. Donc, quand tu tombes dans l'eau, lâche ça. Lâche et tu vas survivre. Tu vas remonter à la surface tranquillement. On va clôturer là-dessus, c'était une bonne image. C'était une bonne image. On va clôturer là-dessus, Hakim. Ok, ben. Évidemment, on se rappellera de toute façon dans pas longtemps, alors, probablement. Hein? Non, de toute façon, c'est la fin, là. Je vais te laisser aller dormir. Moi, ce que je voulais, Hakim, c'est surtout de façon un peu officielle te remercier sur le podcast. Je ne sais pas si... Il y a très peu de chances que je laisse l'intégralité du podcast parce que ça risque de faire un petit peu long quand même. Je vais voir comment je vais faire pour le montage. Parce que moi, je me suis régalé, ça c'est une évidence. J'aurais pu rester, hein, ce n'est pas un problème. Mais ça risque de faire un peu long. Je vais voir comment je m'organiserai. Bon, dans tous les cas, moi, je souhaitais moi je souhaitais quand même te remercier d'avoir de jouer le jeu un peu de jouer le jeu du partage et de la transparence. Donc c'est ça, non, c'était un plaisir pour moi et je souhaitais te remercier pour cet échange. Eh ben écoute, il n'y a pas de quoi. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est que probablement vous avez trouvé un intérêt à écouter cet épisode, aussi long soit-il. Si vous pensez qu'une personne autour de vous puisse être intéressée, n'hésitez pas à le partager. Il suffit généralement d'un clic, vous pouvez retrouver l'épisode sur YouTube et puis le partager, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Messenger. N'hésitez pas, si vous avez des remarques à le faire, vous pouvez le faire directement sur iTunes en laissant un commentaire et une note évidemment, ou alors en m'envoyant directement par mail footballagogie@gmail.com ou en me contactant sur Twitter ou sur Instagram, au plaisir de pouvoir échanger. Si vous avez une personne à recommander que vous souhaiteriez entendre pouvoir partager sur ce type de contenu, de podcast, bah, n'hésitez pas à me le faire, ce serait un plaisir. Et si jamais vous souhaitez continuer l'aventure, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, un dimanche, où cette fois-ci, je vous emmènerai de la France, où nous parlerons de formation, du jeune footballeur et aussi le parcours d'un jeune éducateur, un jeune entraîneur, et comment arriver au niveau semi-professionnel dans le football. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt.